Santé et coronavirus, voici le thème de l'entretien présent. Ici David au micro et je suis en compagnie d'Olivier pour une deuxième fois en quelques jours. Donc, nous avions discuté ensemble il y a environ une semaine et c'est sûr que la crise du coronavirus fait toujours rage et le nombre de morts augmente. On est rendu à près de 500 000 gens atteints, pas des morts. Les morts, c'est à peu près 23 000 au moment où je vous parle. Donc, tout d'abord, ça va bien, Olivier? Ben oui, très bien, toi. Excellent. Donc, nous autres, pour notre part, on est toujours vivants. Et on ouais, est... on est vivants. Oui, c'est ça, exactement. On n'est pas trop affecté. Exactement. Donc, c'est sûr que j'avais le goût de discuter avec toi, entre autres, de santé, en lien avec la crise du coronavirus, étant donné que pendant plusieurs années, tu t'es intéressé à une vision, entre autres, holistique de la santé, une vision globale de la santé de l'être humain. Et c'est sûr que dans un contexte de pandémie qui fait rage, comme celle actuellement, ça peut être pertinent de s'intéresser justement à avoir une vision globale de la santé pour se favoriser dans un contexte où la santé de millions de personnes est menacée. Oui, ben c'est intéressant parce que, tu sais, on parle beaucoup de prévention pour pas développer, mettons, se faire tousser au visage ou d'avoir de toucher quelque chose qui est contaminé puis de s'infecter avec. Mais on parle pas beaucoup dans les médias de développer l'immunité. T'sais, je pense pas que ça a toujours été la ligne de front principale parce que l'immunité, souvent, pour un individu, c'est pas payant pour les grosses business qui vendent des médicaments ou pour tous les services thérapeutiques qui s'y rattachent. Mais je pense que le corps humain, il est programmé pour guérir. T'sais, tout ce qu'il fait, c'est une forme de guérison face à une attaque extérieure, qu'on se blesse ou qu'on aille des problèmes à différents organes. Le corps travaille toujours pour guérir. Fait qu'il faut lui donner les outils pour guérir, mais il faut surtout lui donner les outils pour qu'il ait de l'énergie, de la vitalité, pour pouvoir combattre. Parce que dans le fond, le système immunitaire, c'est pas juste des questions à savoir c'est quoi ça, comment ça marche, c'est où. Plus l'individu il est fort, il est en forme, il a une bonne centricité, il est lucide, ben meilleure la santé va être essentiellement parce que il a une capacité de se sentir, savoir où est-ce qu'il y a des déséquilibres, et pouvoir réajuster ces déséquilibres-là. Puis dans des temps comme aujourd'hui, surtout avec beaucoup de gens qui vont être au chômage bientôt ou qui sont déjà au chômage, c'est des temps intéressants pour pouvoir réévaluer nos habitudes de vie, puis peut-être rentrer dans un, dans, rajouter des choses dans la routine ou du moins changer la routine pour la rendre un petit peu plus intelligente pour nous faire du bien, tu sais, pour être capable Exactement. Je veux juste, d'avoir une bonne santé. dans le fond, avant que tu continues, peut-être, vu qu'on va parler de santé aujourd'hui, mentionner d'entrée de jeu là, que nous ne sommes pas médecins, puis par rapport à ce qu'on mentionne, on laisse le soin aux gens là, de faire preuve d'esprit critique, puis l'importance de ne pas croire, puis de vérifier par eux-mêmes ce qui peut être dit. Donc, juste une petite mise en garde comme ça. Mais en lien avec ce que tu dis, c'est quand même intéressant, dans le sens que l'importance, entre autres, de quelques secondes, tu parlais du système immunitaire, parce que la façon présentement de faire face à l'épidémie du coronavirus dans les pays occidentaux, que ce soit le Canada, les États-Unis ou les autres, ben c'est une façon de mettre les gens en quarantaine, donc de l'évitement, au lieu de développer un système immunitaire qui est fort et confronter le virus. T'sais, là, on est plus dans une zone où on évite les contacts, on évite l'exposition. C'est pas dans une zone de combat face au virus. C'est comme si on part du principe qu'on est faible, puis il faut éviter l'exposition, tu sais. Exactement. Puis c'est intéressant ce que tu dis par rapport à imaginer qu'on est faible. C'est normal qu'on pense qu'on est faible parce qu'on s'est toujours fait dire qu'on l'était, qu'on n'était pas suffisamment qualifié, qu'on n'était pas suffisamment compétent pour savoir certaines choses. Puis là, ben, on se fait dire qu'on peut pas être en santé sans avoir l'aide de quelqu'un ou des techniques de quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est important de s'éduquer, mais si on parle de ce virus-là, je pense que les attitudes qui sont prises dans notre société sont intelligentes parce que on a des systèmes hospitaliers qui sont relativement fragiles puis assez surchargés déjà. Puis je pense que c'est la mitigation de la quantité de personnes qui rentrent en hospitalisation qui est plus le problème. Mais c'est sûr que c'est curieux de voir autant de panique autour de ce phénomène-là. Puis je veux pas comparer le coronavirus avec la grippe, c'est pas la même infection virale. Par contre, dans les années passées, la CDC avait recensé qu'il y avait eu 35,6 Un en instant, la 2018. CDC, c'est quoi? La CDC, c'est le Center for Disease Control aux États-Unis. OK. Fait que c'est un petit peu comme, si on veut, la structure sous-gouvernementale ou gouvernementale qui va, qui régit tout ce qui est au niveau de la santé, qui recense toutes les informations pour le nombre de maladies, qui a contracté quelle maladie, combien de temps, c'est tous les Ouais, détails ben c'est un petit peu statistiques. comme Santé Canada là qu'on a ici. Oui, exactement. OK, Fait fait que c'est beau, je que te les laisse dire la statistiques. statistique, ouais. Ouais, les statistiques pour 2018-2019, si je me rappelle, c'est 35,5 millions de personnes infectées. Il y avait eu 490 000 hospitalisations, puis 34 000 morts, à ma connaissance. Ça, Puis c'est-tu c'est quand juste même aux des... États-Unis ou à l'international? Oui, seulement aux États-Unis. OK. Puis là, ben, tu sais, on est à... aux États-Unis, je pense qu'ils sont à 80 000 cas, là, plus ou moins. Oui. Étant à ce nombre de cas-là, puis dans cet état de panique-là, je pense que il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer sur Terre au niveau du changement de la conscience, mais aussi au niveau des changements technologiques. Puis je pense que les technologies, ça c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas souvent parlé dans les enregistrements, mais le corps humain, c'est un système électrique. C'est pas un système biologique de chair, d'organes qui fonctionnent de façon mécanique. C'est un système bioélectrique. Fait que le système bioélectrique, c'est affecté par d'autres systèmes électriques à cause des fréquences magnétiques. Puis c'est intéressant parce que si on regarde à travers les époques, chaque temps a été affecté par justement des changements vibratoires comme ça. On en regarde, mettons, pendant la période de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, l'avancée des nouvelles technologies, l'avancée des radars, puis tout ça. Puis il y a certaines personnes qui auraient comme théorie que ça pourrait être quelque chose qui pourrait affecter la santé des gens en masse, puis créer des effets au niveau du monde, Ouais, ben je là. vois Moi, que ce que je vois. t'as vu comme moi sans doute la vidéo là qui était sous-titrée en français d'un gars qui disait que d'où venait la Par rapport. pandémie avec Oui, la oui, oui. 5G là, la cinquième génération de téléphonie qui avait été implantée en Chine parce que eux autres présentement c'est eux autres les pionniers, les leaders dans l'implantation puis précisément c'est en Chine que ça a débuté la pandémie, que à quelque part les radiofréquences auraient de l'impact là sur l'être humain puis le rendraient plus faible, qui pourrait favoriser un terrain dans le fond qui serait plus réceptif au virus là. Ben, puis aussi, il y a eu des médias de masse qui ont discrédité, ils ont appelé ça comme du fake news. Puis moi, je garde un regard objectif par rapport à cette information-là, mais ce que je peux dire avec certitude, c'est que étant des êtres bioélectriques, le corps humain, c'est un système bioélectrique, ben c'est certain qu'il va être affecté par le Wi-Fi puis toutes les EMF là, ou, electromagnetic frequencies ça va venir jouer sur son système mais ce que je suis capable de voir aussi en même temps c'est qu'il y a des gens qui vont être très très très très très sensibles à ça puis d'autres qui seront pas pantoute ça va-tu dépendre est-ce que le niveau de conscience d'une personne par rapport à son environnement peut jouer sur son immunité, ou est-ce que certaines personnes le ressentent, d'autres le sentent moins parce qu'ils se ressentent pas autant? Moi, je suis curieux là-dessus. Tu sais, je suis à l'étude, mais ce que je vois, c'est que ce qui nous affecte le plus présentement, je pense, sur Terre, la population de masse, c'est la peur. Puis ça, s'il y a quelque chose qui dégage des ondes très, très basses, c'est la peur. Ouais. Puis si on regarde, mettons, ça, c'est des études, des recherches scientifiques qui ont déjà été faites dans le passé. D'étudier la chimie de l'organisme quand certaines personnes vont vivre différents types d'émotions. Fait que si on vit des émotions négatives ou des émotions culpabilisantes ou angoissantes, souvent la physiologie, le cocktail d'hormones, dans le corps est vraiment pas intéressant. Ça nous met dans un environnement catabolique, un environnement de stress où est-ce qu'on détruit nos réserves, puis notre corps produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets. Dans des phases cataboliques comme ça, où le corps produit beaucoup de déchets, il faut qu'il ait la capacité de tomber dans une autre phase, qu'on va dire une phase anabolique de reconstruction, de réparation, de régénération, pour être capable justement d'éliminer ces déchets-là, puis d'avoir une fonction au niveau des organes vitaux qui est optimale. Mais toute chose qu'on a dans nos environnements vont nous stresser à un certain niveau. Tu sais, juste boire de l'eau, ça crée un certain niveau de stress parce que le corps, il doit s'adapter. Oh, il y a des fluides, il faut diluer le sang, faut jouer avec certaines choses. Puis je pense que c'est une multitude de facteurs. Tu sais, la Chine, pourquoi ça a commencé en Chine? Moi, ma théorie, on parle d'une maladie pulmonaire, puis là-bas, la pollution, c'était exécrable là, pour y avoir été, Ben là. c'est ça, c'est qu'au niveau pulmonaire, sans doute, les gens étaient déjà fragilisés par rapport à la pollution de l'air ambiant étant supérieure aux autres endroits dans le monde, là. Ben c'est ça, puis tu sais, on s'entend que l'air, c'est notre source primordiale de force vitale. Fait que s'il n'y a pas beaucoup d'oxygène ou il y a beaucoup de déchets dans l'atmosphère de la région où ce que la personne habite puis travaille, puis qu'en plus est affecté par un virus, ben c'est sûr que son système immunitaire va le manger beaucoup plus fort que quelqu'un, mettons, qui respirait de l'air dans les rocheuses, par exemple. Mais encore là, c'est pas Oui. de dire, ah, la pollution qui a causé ça, on le sait que c'est un virus, Mais c'est parce que ça peut puis... avoir une incidence là-dessus. C'est parce que ça me fait penser au cas de l'Italie. C'est-à-dire que dans le nord de l'Italie, j'avais lu un article scientifique. Ben, non, c'est un article journalistique qui disait qu'il y avait des problèmes de pollution d'air. Puis aussi combiné au fait que les gens sont âgés. Le peuple italien, c'est un des peuples avec l'espérance la plus élevée en termes d'âge dans le monde, là, un peu comme le Japon. Si tu combines ces deux variables-là, c'est sûr que tu augmentes le risque de la létalité du virus, c'est-à-dire le fait que le virus est plus mortel en Italie qu'à d'autres endroits dans le monde, là. Mais aussi beaucoup de rapports qui sont arrivés par rapport au fait que les Italiens signalaient beaucoup des décès comme étant du coronavirus quand c'était pas nécessairement le cas. Qu'il y Exact. aurait seulement 2% des cas de décès par jour qui seraient vraiment liés au coronavirus. Donc, tu sais, c'est ça qui, là, en ce moment, on est dans une période où il faut faire attention parce que il y a eu une période de temps où il faut que j'avoue que les nouvelles étaient très transparentes puis véhiculaient l'information directement. Puis là, tu vois qu'il y a un petit peu de trafic dans l'information qui est envoyée. Puis on essaye de mousser beaucoup à la crainte au lieu de mousser à redonner le pouvoir au peuple. Fait faut qu'on faut qu'on utilise notre discernement à Ouais, c'est savoir, bon, ça. OK, c'est beau là, tout ça, là, mais bon, c'est beau, je respecte les consignes, mais je ne vais pas arrêter de vivre. Je vois beaucoup de gens qui vont s'attaquer personnellement à certaines personnes parce qu'ils sortent de chez eux. Mais là, en ce moment, on sort pas de chez nous pour faire le bordel ou aller se regrouper. Là. On sort pour aller faire soit des courses, soit aller dehors marcher, ou soit la pharmacie. Ça, c'est C'est dans faut l'optique des prendre. gens qui respectent les consignes, mais c'est parce que la police, entre autres, notamment à Montréal, là, en fin de semaine dernière, sont intervenus parce qu'il y avait des gens qui se rassemblaient et faisaient des parties, tu sais. Oui, c'est totalement correct, la police, d'intervenir dans des situations comme ça. Mais c'est facile de tomber quand on est dans un état de panique, dans le blâme, Ah d'essayer de oui. trouver un responsable, puis de trouver, ah, c'est de la faute à ces gens-là, là, hey, j'en reviens pas, ils sont allés à l'épicerie, puis ils n'avaient pas le droit, puis, tu sais, faut pas tomber là-dedans, parce que ça, c'est très malsain. T'sais, on parle d'immunité. La santé immunitaire dépend beaucoup de la vibration de ce qu'on ressent en tant qu'individu. Puis si on est tout le temps dans, je cherche un responsable pour ma détresse psychologique présente, on se déresponsabilise de notre pouvoir, on leur donne à l'autre, puis on est tout le temps en train d'essayer de trouver une victime dans notre environnement qui va être quelque chose qu'il va falloir qu'on attaque, qu'on mette notre énergie dessus, C'est ça, c'est un petit peu au lieu ça. de regarder le vrai problème. Exactement, tu sais, c'est de se trouver un bouc émissaire. Tu sais, dans l'Allemagne nazie, les nazis accusaient les juifs. Puis là, puis ils Exact. faisaient, dans le fond, il y avait de la délatation avec la Gestapo. Puis là, c'est un petit peu un principe un peu similaire qui s'installe, dans le sens que les gens vont accuser ceux-là qui sont atteints du coronavirus d'être responsables de tous leurs maux, MAUX, puis MOTS. Donc, je fais des blagues. Oui. Puis là, ils vont les surveiller, puis ils vont appeler la police et envoyer un sortir dehors. Fait que là, tu sais, ça installe une dynamique du contrôle où des gens se sentent impuissants par rapport à la maladie, vont se sentir puissants pour contrôler les gens de leur environnement, puis les dénoncer aux autorités s'ils évaluent que des faux pas, là. Ouais, puis moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'ils vont manipuler beaucoup les statistiques des nouvelles pour dire c'est pas seulement les vieux qui sont atteints. OK, mais c'est normal. Quand on parle d'immunité ou quand on parle de santé, là, la santé, ça a très rarement à voir avec l'âge. Dans le sens que, évidemment, si on prend une comptabilité statistique, les plus jeunes souvent sont un peu plus robustes, mettons, par rapport à la malbouffe, sortir le soir, pas dormir, faire certaines activités à outrance qui ne sont pas nécessairement bonnes, ils récupèrent vite. Mais quand tu arrives à 20 ans, là, si tu as fait une partie de ton adolescence assez rock'n'roll, puis tu continues jusqu'à 25, 30, à 30 ans, t'es pas bien plus en forme qu'un homme de 60 qui a fait attention toute sa vie. Je parle pour parler, là. Non, non, mais tu as Fait que c'est raison, la personne hypothèque sa vie, tu sais. Mais oui, puis si la personne n'est pas en forme, elle a des problèmes neuromusculaires, elle a des douleurs, elle est fatiguée, fonctionne sa caféine, pas capable de dormir le soir, pas capable de se lever le matin, puis que, mettons, on prend un autre exemple, elle fume la cigarette, par exemple, ben c'est sûr que cette personne-là, ça peut pas être la statistique de dire « Regarde, les gens de 30 ans, là, ils en meurent. » Ouais, mais là, ça peut, tu sais, faut défricher le data. Puis c'est ça qui est le problème avec les médias. Les médias véhiculent l'information, mais ils vont pas plus loin dans l'information pour te donner vraiment de la lucidité dans qu'est-ce qui se passe. Moi, ce que je Exactement. vois, Oui. c'est que tous les groupes d'âge peuvent être affectés. Oui. Certains sont asymptomatiques, d'autres non. Ça crée des problèmes importants au niveau respiratoire, avec ou sans problème respiratoire au préalable. Tout ce que ça me dit, c'est que c'est dépendant du système immunitaire de la personne, dépendant de son système nerveux central. Puis là, il n'y a pas beaucoup d'informations qui est véhiculée pour nous donner des outils pour ça. Puis je pense que les outils sont relativement simples. C'est de pas trop manger, de faire de l'exercice, de manger des bonnes choses, de cuisiner la nourriture à la maison, de s'exposer au soleil, d'avoir des conversations avec des gens qu'on aime. De faire des activités qui nous font sortir de notre routine, qui sont créatives. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui vont changer notre état d'esprit, puis en changeant cet état d'esprit-là, électriquement dans le corps, ça va s'affecter. Ça va générer un état nouveau au niveau du ressenti, mais un ressenti d'agressivité puis de colère versus un ressenti d'amour dans le corps, c'est très différent. Mais la Exact. raison pourquoi on ressent ça différemment, c'est parce que c'est pas les mêmes hormones, c'est pas les mêmes C'est pas les mêmes neurotransmetteurs. hormones qui sont impliquées. Tu sais, si on pense entre autres au stress avec la sécrétion de cortisol dans l'organisme, Oui. ben ça demande de l'énergie, sécréter ces hormones-là dans l'organisme, ce qui veut dire qu'il y a moins d'énergie qui peut être consacrée, par exemple, au système immunitaire. Exactement. Puis le faut toujours se rappeler que dans le système nerveux autonome, dans l'aspect parasympathique du système nerveux, c'est l'aspect où est-ce qu'on guérit, qu'on se régénère. Ça, c'est dans l'aspect où est-ce qu'on est calme, où est-ce qu'on est groundé, où est-ce qu'on a le mental qui est absent de pensée. Quand on est dans le moment présent, dans le fond, quand on fait une activité, par exemple, comme la cuisine, jouer de la musique, faire un certain sport, ou est-ce qu'on est comme dans un état de flow? Cet état de flow-là, c'est que toutes les forces sont coordonnées dans un point. Ça veut dire que le corps travaille en harmonie avec le mental travaille en harmonie avec son environnement, puis tout fonctionne dans une certaine cohérence, dans une certaine harmonie. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que c'est très dur de pouvoir maintenir ça de façon perpétuelle. Parce qu'il y a des fractures, on pense à des choses, on est conditionné à faire certaines affaires. Puis dans des moments comme là où beaucoup de gens sont confinés dans leur maison, certaines personnes sont capables de le vivre de façon confortable, puis d'autres, ça crée un petit peu de stress, puis un petit peu de panique. Puis c'est là que certaines personnes vont être obligées de se prendre en main éventuellement pour changer leur fonctionnement de vie pour, d'un, avoir une meilleure immunité, mais de pouvoir bénéficier d'un changement sur Terre au lieu d'être en résistance puis d'en souffrir trop longtemps. Oui, exactement. Puis c'est sûr que la stratégie adoptée présentement à travers la quarantaine, qui est une stratégie qui est utile, là, t'sais, si les gens ne sont pas capables de faire autrement, c'est de l'évitement. T'sais, on a tendance en Occident de rester dans notre tête puis éviter d'être en contact avec le senti du corps ou éviter les chocs pour rester dans une zone de confort. T'sais, au lieu d'être Ouais. dans une attitude où on va confronter les choses qui ne font pas notre affaire ou les regarder en pleine face. T'sais, Ouais, mais faut pas trop en demander dans le non, sens c'est ça, c'est pas tout que. le monde qui sont capables de faire ça. C'est sûr que la personne est rendue à 85 ans, puis elle a des problèmes pulmonaires, puis est fragilisée par un mode de vie qui a été très destructif pendant toute son existence au niveau gestion émotion. Peut-être qu'elle sera pas capable, en effet, de l'absorber, là, le Ouais, puis virus. tu sais, une autre chose, c'est que, mettons, quelqu'un qui est face à des problèmes respiratoires, que ce soit à cause de ce virus-là ou d'un autre, ou peu importe la raison, c'est normal pour une personne qui n'a pas été entraînée à manquer de souffle, que quand il manque de souffle, il rentre vite en état de panique. Puis cet état de panique-là crée énormément de contractions, puis ces contractions-là peuvent empêcher un mouvement respiratoire qui est simple. Parce que moi, s'il y a quoi que j'ai bien découvert à travers les années, c'est que la cage thoracique, là, une fois qu'elle devient vraiment souple puis ouverte, on peut prendre des énormes respirations que si je recule, quand j'ai commencé à faire d'exercice plus jeune, jamais j'aurais cru pouvoir avoir cette capacité respiratoire-là. Mais c'est des muscles qui s'entraînent, tu sais, les poumons, ils restent le même volume, mais la capacité du diaphragme à s'expandre pour que les poumons, tous les différents lobes des poumons puissent se remplir, ça requiert un certain entraînement. D'ailleurs, dans le yoga, il y a beaucoup d'exercices par rapport à la respiration, pas juste pour des raisons spirituelles, mais aussi pour des raisons d'entraînement au niveau de ce muscle-là, parce que c'est un muscle, le diaphragme, Oui. pour être capable d'avoir un contrôle sur sa respiration, autant dans des situations confortables que des situations qui sont inconfortables, comme manquer de souffle, par exemple, à cause d'une crise d'asthme ou quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui réussissent à maîtriser ces états-là, justement, en ralentissant leurs besoins de respiration. Parce qu'ils sont capables de savoir que s'ils rentrent dans l'aspect du stress, il va se créer une tension, puis dans cette tension-là, ils vont manquer encore plus d'air. Ouais, puis là, Fait que, c'est un cercle vicieux, ouais. même dans la maladie, ce que je découvre, moi, c'est qu'il faut rester calme. Puis, bon, c'est facile à dire, il faut rester calme, mais essentiellement, ce que ça veut dire, c'est d'essayer de tenter de comprendre pourquoi je suis malade. Qu'est-ce que j'ai à comprendre dans cette maladie-là? Où est-ce que ça m'amène, cette maladie-là? Qu'est-ce que ça me confronte à quoi? Puis en posant des questions comme ça, certaines personnes vont peut-être avoir des réponses. Puis dans mon expérience, personnellement, j'ai réalisé qu'à chaque fois que je suis malade ou que je vis des blessures physiques, ça a toujours une raison d'être. Cette raison d'être-là me permet justement de comprendre que j'ai atteint mes limites ou j'ai dépassé mes limites. Ou je me suis pas respecté dans un besoin ou dans un autre, donc j'ai besoin d'avoir été mis en échec pour apprendre certaines choses. Fait que la maladie, selon moi, ça devient plus un problème énorme dans notre tête une fois qu'on comprend la racine de cette maladie-là, puis comment qu'elle est là, pourquoi qu'elle est là, puis comment s'en débarrasser éventuellement. Après ça, les symptômes se dissuadent plus facilement, semblerait-il, que quand on est très, très, très craintif ou quand on résiste, qu'on dit non, je peux pas être malade, j'ai pas le temps d'être malade, c'est pas le temps, là. Dans des états Ouais. comme ça, souvent, c'est pour ça qu'on devient malade. Fait que, moi, en tout cas, si j'avais à contracter ce virus-là, je le vivrais comme n'importe quelle autre grippe que j'ai déjà vécue, puis en contrôlant, puis en maîtrisant les symptômes, puis en laissant une partie de la fièvre s'exercer sur mon corps, parce que beaucoup de gens, dès qu'ils font de la fièvre, il faut qu'ils arrêtent la fièvre tout de suite. Mais la fièvre, c'est un symptôme extrêmement intelligent. C'est comme si on augmente la température corporelle pour combattre, tu sais, avoir plus de feu, combattre Des virus. les déchets, éliminer les déchets des cellules, puis éliminer les virus essentiellement. Fait que le corps, il faut juste le soutenir. Tu sais, moi, c'est de la façon que je vois l'immunité, c'est un soutien. C'est toujours lui donner les éléments qu'il a de besoin pour qu'il puisse faire son travail. Pas plus ou moins, mais toujours au niveau où est-ce qu'on a de besoin. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste s'écouter, prendre du repos, dormir 2, 3 jours, on se sent pas bien, ça passe. Mais si la personne, elle résiste les symptômes, puis elle continue de travailler, puis elle fait plein d'autres affaires, mais là, ça se devient de plus en plus lourd, puis le corps, il a de moins en moins d'énergie, donc soit ça peut devenir chronique, ça peut affecter éventuellement d'autres organes. Tu sais, mettons quelqu'un là qui aurait une bronchite chronique là, à long terme, là, qui tousse tout le temps, là, mais éventuellement, ça va créer des crampes et des blocages musculaires à certains endroits qui vont affecter d'autres organes. Fait que Ouais, c'est important d'avoir de traiter la symptomatique comme des voyants dans un véhicule qui essaye de nous communiquer de l'information, comprendre que le symptôme est intelligent, mais comment qu'on peut pas accélérer, mais donner un outil au corps ou un élément au corps, que ce soit l'hydratation, le changement d'alimentation, une supplémentation, une activité nouveau, un nouvel étirement, du massage, pour faciliter le processus d'élimination du déchet que le corps essaye d'éliminer. Parce que Ouais. toute maladie, c'est une incapacité au corps à éliminer les déchets à un certain niveau. Ouais, exactement. C'est sûr que tu amènes plusieurs points intéressants. Puis je suis heureux de discuter de ce sujet-là avec toi parce que tu as une compréhension quand même assez approfondie là, de la maladie. Mais le point que tu amenais, c'est parce que ça me fait penser beaucoup quand que tu parles de la maladie au fait qu'en Occident, on a tendance à traiter les symptômes plutôt que les causes. Dans le sens que quelqu'un a une douleur, il va consulter le médecin il met ses anti-inflammatoires. Mais ça n'a pas nécessairement neutralisé la cause qui occasionne, par exemple, la douleur musculaire ou la souffrance sur le plan psychologique, tu sais. C'est bien correct parce que la médecine, son travail, justement, c'est de traiter la symptomatique puis d'amener le patient à une certaine équilibre. Sans plus, je pense pas qu'on est dans un système de santé qui est accueillant par rapport à une psychologie nouvelle, à des sciences de la santé qui sont nouvelles, à une science qui est axée beaucoup plus sur la prévention que sur le traitement. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que on a une science qui est très efficace pour traiter tout ce qui est matériel. Mais le problème, c'est que la vision matérielle à outrance du corps humain que les scientifiques ont dans la communauté aujourd'hui est telle qu'ils sont même pas capables de voir plus loin que ça. Puis, c'est souvent un petit peu le problème parce que moi, j'ai souvent entendu des histoires de gens qui sortent de l'hôpital puis qui vivent un problème, que ce soit avec le cœur ou une maladie, puis la personne en question dit, ben, comment ça s'est produit, ce problème cardiaque-là, par exemple? On ne sait pas. OK, tout est correct, tu sais, tu vérifies toutes les données, tout ce qu'ils peuvent vérifier matériellement sur les fonctions Ben du oui, avec cœur, mais avec quel argument? l'électroencéphalogramme, il regarde le rythme, il voit c'est correct. Ouais. Semble normal, mais il y a eu un problème pareil. Bon, ben ça, c'est l'autre côté de l'envers de la médaille, c'est de comprendre que si on se fie sur la théorie que le corps, c'est un système bioélectrique. Bon, ben, il dégage un champ électromagnétique. Puis ça veut dire qu'il fonctionne à partir des ions positifs et négatifs, des charges neutres, puis des charges positives et des charges négatives. Fait que tout ça, c'est un équilibre. Ce corps-là, là, bon, il a l'air solide, on le touche, mais il est affecté, il est directement connecté sans aucune espace avec son environnement, donc il est son environnement. Fait que si on regarde tous les événements qu'on a dans nos vies, que ça, ils se comptabilisent au niveau émotionnel, au niveau matériel, du stress physique, stress psychologique, tout ça, ben ça s'emboîte. Éventuellement, ça crée des blocages. Ça veut dire que tous ces blocages-là, si on regarde le corps comme, mettons, des chemins, là, si on regarde tout le système circulatoire, c'est plein d'autoroutes, toutes connectées les unes avec les autres, puis le sang circule là-dedans. Mais s'il y a des blocages à des endroits, à différentes places dans le corps, dû à des stress physiques ou des émotions qui n'ont pas été gérées ou qui sont encore refoulées dans l'organisme, ben, il se crée toutes sortes de blocages. Puis on regarde n'importe quoi dans la nature, la vie, c'est la circulation, c'est le mouvement. Tant qu'il y a du mouvement, il y a de la vie. Si dans le corps, il y a un arrêt de mouvement à certains endroits, ben, il y a un arrêt d'échange. Ça veut dire que le corps peut plus amener les nutriments à cet endroit-là, puis peut plus enlever les déchets de cet endroit-là également. Fait que ce qui arrive, c'est que ces cellules-là, ils s'affectent, fonctionnent pas aussi efficacement qu'ils devraient fonctionner. Après une couple d'années de mauvais fonctionnement, tu sais, si on regarde, mettons, ton foie fonctionnerait à 80% pendant une bonne partie de temps dans ta vie, ben éventuellement, si tu l'affaiblis encore plus, puis qu'il fonctionne déjà à 80%, il va descendre vite, puis ça va affecter un autre organe, qui va affecter un autre organe, puis éventuellement, le corps va être dans un état de maladie. Hein. Ouais, c'est Parce ça, que, parce qu'il va être trop fragilisé. exactement, parce qu'il y a pas les, y a, on n'a pas beaucoup d'éducation par rapport à comment entretenir le corps physique, comment, c'est quoi la posture, tu sais, c'est quoi l'importance de faire de l'exercice, puis c'est quoi de l'exercice, tu sais? C'est-tu d'aller courir comme un déchaîné 3 fois par semaine, ou ça veut dire quoi, tu sais? Fait qu'il faut apprendre à comprendre c'est quoi ces activités-là, c'est quoi bien manger pour moi, c'est quoi un bon exercice qui est adapté à mes besoins. C'est pas tout le monde qui a besoin de faire des arts martiaux, c'est pas tout le monde qui a besoin de courir des marathons, mais chaque corps humain a besoin d'une activité qu'il met en mouvement, puis c'est à l'individu de faire des expériences avec différentes choses pour en venir à découvrir c'est quoi qui lui, comme exercice physique, ou comme alimentation, ou comme habitude de vie, lui conviennent pour qu'il soit en équilibre. Dans cet Exactement. équilibre-là, il vient une certaine quiétude au niveau du mental. Puis cette quiétude-là permet justement à la personne de passer à travers des événements plus difficiles sans réverbérer des craintes et du stress dans l'organisme, puis affaiblir l'organisme à cause de ça. Oui, exactement, parce qu'une personne qui est très fragilisée au niveau physique puis psychologique, moindrement est exposée par rapport à une crise ou un virus, ben elle va s'effondrer rapidement, là. Ben c'est ça, puis à chaque ère, chaque civilisation qu'il y a eu sur Terre, il y a toujours eu des grands événements qui ont éliminé une grande partie de la population. Puis je trouve ça dommage qu'on, encore à aujourd'hui, qu'on se blâme de dire ah, oh, ben là, c'est toi qui es sorti de chez vous, ben t'as rendu quelqu'un malade, tu l'as tué, tu sais. Je pense que la nature, c'est intelligent, c'est bien fait, puis il y a des gens qui meurent, puis il y a des gens qui vivent, puis il y a des gens qui vivent, mais qui sont pas vraiment vivants parce qu'ils sont à moitié morts. Puis quand ces gens-là, ils partent, ben, c'est sûr que quelqu'un qui a pas développé une certaine conscience de autre chose que qu'est-ce qu'il y a ici, puis ma maison, puis mes affaires, c'est un moment effrayant, mais il va se rendre compte vite quand il va arriver à l'autre bord que c'est un repos, là. Tu sais, puis il y a pas de fracture entre la vie et la mort Ouais, qui va quoi faire qu'il y a qu'une des personne. gens qui quittent le corps physique, puis sont rendus de l'autre côté, puis sont pas conscients d'être morts, parce qu'ils ont été tellement identifiés à leur corps de leur vivant que ça leur prend une période d'adaptation. Oui. Mais sans rentrer dans ces domaines-là, essentiellement. On va pas commencer à faire des grandes peines à cause que il y a des animaux dans la savane qui se font attaquer puis tuer par des prédateurs. Il faut comprendre qu'on fait partie d'un écosystème qui est énorme, une grosse boule qui se promène dans un système solaire. Puis nous, on vit là-dessus, mais on fait partie, on est assujetti à énormément de forces puis de conditions déjà au préalable. Fait qu'il faut rester humble puis de réaliser que ce qui se passe sur Terre, même si on pense que c'est nous qui contrôlons tout, puis c'est nous qui avons le libre arbitre de changer le monde ici et ça, faut pas se raconter des histoires. La Terre existait avant nous, puis elle va continuer d'exister après. Donc, je pense pas qu'il faut rentrer dans le blâme, puis la culpabilité, puis de commencer à essayer d'attaquer, puis trouver les raisons pourquoi ça marche pas, mais plutôt observer ce qui se passe, puis mettre toutes les chances de notre côté pour justement se mettre en forme, en santé, d'avoir l'énergie nécessaire pour voir clair à travers des événements durs ou des événements opportunistes comme on a présentement. Oui, ben d'ailleurs, ce qui peut être paradoxal, c'est qu'à travers une crise, ça peut être une opportunité de développement, puis de réaliser des forces qu'on avait, puis qu'on ne voyait pas jusque-là, parce qu'on n'était pas confronté à des événements qui nous amenaient à dépasser nos limites. Mais oui, puis on s'entend que c'est pas trop stressant comme événement, là, tu sais, c'est pas la guerre, là. Ben, quoi On est que c'est chez nous. présenté comme ça, tu sais, tu regardes le discours ici au Québec. Par rapport à Legault, François Legault, qui dit on va gagner le combat contre la grippe. Emmanuel Macron en France qui déclare qu'on est en guerre. Donc, les dirigeants, les leaders politiques utilisent toute l'imagerie, la terminologie en lien avec la guerre, puis voir comme les membres du personnel soignant, comme les soldats qui vont au front. Oui, parce qu'on aime ça. On aime ça se raconter des histoires de guerre, puis d'ennemis, puis on a combattu, puis on a conquis l'ennemi. Mais tant aussi longtemps qu'on va avoir une vision dualistique de la nature comme ça va être extrêmement dur pour nous autres de comprendre c'est quoi qui se passe, puis c'est quoi le chemin qui se prend présentement. Parce que peu importe ce que les gens peuvent bien penser, puis les opinions qu'ils peuvent avoir sur la société ou sur qu'est-ce qui sont les actions qui sont portées par le gouvernement ou par les gens dans le système de santé, on va venir à une réalisation que c'est pas nous qui contrôlons. Tu sais, il y a des cas qui augmentent, puis les gens sont confinés chez eux. Tu peux pas contrôler un virus comme tu peux pas contrôler la nature, tu peux pas contrôler le soleil. Puis il s'agit pas de le contrôler non plus, il s'agit de savoir comment ça fonctionne, puis de se mettre en résonance avec le fonctionnement de ces forces-là pour voir comment ça se trame, c'est quoi les lois, puis d'obéir à ces lois-là. Puis normalement, si c'est les lois des forces de vie, ça obéit, ça respecte les individus autour de nous, ça respecte la société, ça respecte l'environnement. Fait que tout ce qu'on fait à l'extérieur de ça nous crée énormément de souffrance. Puis dans ces souffrances-là, on se raconte des histoires. C'est très difficile pour quelqu'un, mettons, qui brouille du noir sur une histoire qui se raconte dans sa tête depuis plusieurs années, de la parler à quelqu'un, parce que d'un coup, qui parlerait de cette histoire d'horreur-là à quelqu'un, puis la personne dirait, ben non. Ça n'a pas de bon sens, ça. Garde, pour telle, telle, telle raison. Puis là, tu réalises que ça fait 3 ans que tu brouilles du noir, puis que tu vis des émotions négatives, puis que tu es en train de te rendre malade pour une histoire que si tu avais juste parlé, il y aurait pu avoir quelqu'un qui te dit, ben non, ça n'a pas de sens. Ben, tu comprends que... Oui, ben c'est que la personne est amenée à réaliser qu'elle n'est pas intelligente seule à quelque part, puis qu'elle avait une vision polarisée. Puis sans l'intelligence de l'autre, ben elle s'enlisait dans un problème parce que avait pas la capacité de s'en sortir par elle-même. Fait que un peu comme un logiciel qui est en boucle, qui fonctionne sur l'ordinateur. Si la personne n'est pas capable de mettre fin elle-même à la boucle, ben ça peut être intelligent d'en discuter ou qu'un autre intervienne pour régler le problème avec un regard différent, là. Mais je pense que il n'y a jamais personne qui arrête le mouvement de la boucle par lui-même. Je pense que la boucle se fait arrêter par des événements qui amènent l'ego à vivre une certaine coupure. Puis quand l'ego vit une certaine coupure par rapport à des événements, il est forcé à changer sa perspective. C'est dans le changement de la perspective qu'il va pouvoir réorienter sa façon de travailler si il est prêt à faire ça. Fait que c'est dans les opportunités justement une crise émotive interne ou un événement choc ou n'importe quoi qui se passe qui nous rend hors de nos habitudes, à Ouais. l'extérieur de comment on est habitué de fonctionner. Puis là, c'est là qu'on réalise qu'il y avait peut-être des choses qu'on n'avait pas de besoin. Peut-être que présentement, tout l'achat de différents types d'objets dans les supermarchés puis dans les grands centres d'achat, ben, on réalise qu'on n'en a plus besoin. Puis ça nous crée des ouvertures pour autre chose aussi. Parce qu'à chaque fois qu'on se fait enlever quelque chose, c'est une porte ouverte pour de la nouveauté. Mais Ben oui. essayer d'avoir la capacité de tourner la tête rapidement d'une chose à l'autre. Bon, OK, j'ai plus ça, mais qu'est-ce que j'ai de besoin? Besoin de ça, parfait, ça, je peux encore me le permettre. Oui, pas de problème. Oui, ben ça permet de faire une sélection entre ce qui est de l'ordre du désir ou du besoin, entre autres. Puis aussi, comme la nature a horreur du vide, ben la personne canalise autrement ses énergies. C'est sûr que la crise actuelle de la pandémie mondiale associée au coronavirus amène les gens, entre autres en Occident. En fait, il y a à peu près un tiers de la planète à présent. J'ai regardé les statistiques aujourd'hui, puis il y a au-dessus d'un milliard de personnes, en fait 3 milliards qui sont en isolement. Amener les gens dans une situation où ce que leur vie est sur pause, leur civilisation est sur pause. Puis c'est un petit peu comme, par exemple, une personne qui va faire une retraite fermée. Il y a des, tu sais, je pense entre autres, j'ai un cousin qui est moine, lui a passé du jour à une retraite méditative. Puis lui, il aimait ça, fait qu'il résistait pas à ça. C'est lui qui l'a cherché. Tandis que là, les gens, un peu comme quelqu'un qui serait obligé de faire une retraite méditative, puis se ramasser en reclus pendant 10 jours, ben 14 jours pour beaucoup de personnes ici au Québec. C'est une expérience qui peut les amener à s'intérioriser davantage que lorsque ils font leur train-train quotidien habituellement dans une situation où leur vie est pas impactée par le coronavirus. Ouais, mais ça, on en a parlé un peu dans le dernier enregistrement, mais moi, ce que j'ai plus l'impression, c'est que ça va faire monter les inquiétudes, les craintes, puis la souffrance des personnes individuellement. Puis le combat, il va se situer là, tu sais, ça va être, est-ce que tu vas succomber à ta crainte ou tu vas faire confiance à tes moyens, tu sais? Vas-tu essayer de trouver des nouvelles ressources pour te donner le bien-être que tu as besoin ou tu vas succomber à la peur puis embarquer en dessous de l'aile de quelqu'un ou attendre que les autres changent, puis attendre que tout arrive, puis C'est là, c'est dans des situations comme ça qu'on voit dans le fond. Personne ne peut avoir d'attitude, là. Ça révèle tout simplement la nature de la personne. C'est comme avoir l'impression que tu as un ami, puis cet ami-là, il vit quelque chose de très difficile éventuellement dans sa vie, puis il te coupe. Bon, ben tu réalises que peut-être que cet ami-là, ben, il n'a pas tant besoin de toi, tu sais, ou ben peut-être que dans des situations difficiles, il préfère se refermer sur lui-même, puis pas rentrer en communication avec toi. Fait que ça démontre la nature des choses. Faut que les choses soient testées. C'est comme n'importe quoi. Quelqu'un qui dit ah, moi, je peux faire ça, j'ai réussi ça, je suis bon là-dedans, mais qui agit jamais selon ce qu'il parle, ben, ça va être extrêmement difficile pour lui de se sentir en confiance. Parce que faut qu'il y ait une cohérence entre qu'est-ce qui est véhiculé par l'individu puis ses capacités. Et pour développer des capacités, il faut prendre des risques. T'sais, si on a peur de faire certaines choses ou on a peur d'un virus comme ça, on se dit, garde, je vais faire tout ce que je peux pour me protéger, je vais regarder le résultat. Il y a une certaine inquiétude pour l'ego là-dedans. Parce que regarder les résultats, mais on ne veut pas être malade. C'est Fait que le ça. je veux pas être malade prend tellement de place qu'éventuellement, on pense juste à ça. Au lieu d'être dans est-ce que je prends les mesures selon ma conscience pour me protéger? Oui, bon, il arrivera ce qui arrivera. C'est ça, c'est cette force-là qu'il faut avoir, qu'il faut développer. Puis ça se développe en prenant des risques. Ça se développe pas dans le confort de réfléchir puis de dire ah oh ouais, moi je pense que je serai correct là, puis je pense que je vais être correct. Faut que tu le vérifies, il faut que tu te testes. Des événements de même, ça nous teste. Intérieurement, il y a des gens qui vont rester chez eux, peut-être qu'il y a des gens qui vont se mettre à méditer. Peut-être Exact. qu'il y a du monde qui vont devenir alcoolique. T'sais. C'est ça, ça peut aller dans les deux sens. C'est ça qui va être intéressant à voir. C'est-à-dire qu'une fois que la période de quarantaine sera complétée, est-ce que la personne va ressortir grandie de l'expérience, plus créative, plus centrique? Ou au contraire, dans un état de dépression ou d'avoir développé des problèmes d'alcoolisme ou de consommation de drogue ou autre, tu sais. Ouais, mais je pense qu'en général, il va y avoir beaucoup de gens qui vont de la misère à retourner travailler. Ouais, ben ça, c'est probable qu'il y ait une période de transition ou d'adaptation pour la réintégration sur le marché du travail. Ouais. Parce qu'il y a sans doute des. Tu sais, il y a un adage, ça me fait penser à Jean-Paul Sartre qui disait, ou c'était Camus, en tout cas, c'était un existentialiste qui disait l'enfer, c'est les autres. Tu sais, la personne qui se ramasse reclue avec sa famille, sa compagne, puis ses enfants pendant 2, 3 ou peut-être même un mois, ben, je veux dire 2 ou 3 semaines ou un mois, ou peu importe la durée, en fait. Si la personne n'est pas habituée de cohabiter avec eux autres, elle va souffrir, puis elle va être brûlée, elle va être épuisée de l'expérience. Tandis que si la personne est très harmonieuse, elle va ressortir ressourcée de cette expérience-là de huis clos avec d'autres personnes. Ouais. Moi, ce que j'ai hâte de voir aussi dans cet événement-là, c'est s'il va avoir une mise en place d'un salaire de base. Parce que ça fait plusieurs années que j'entends certains pays dans le monde avancer le principe d'un salaire de base. Puis il y a beaucoup de gens qui sont contre ça totalement. Parce qu'ils disent hey, voyons donc, 2 000 $ par mois à rien faire, peu importe ce que tu fais, ça n'a pas de sens. Mais si tu penses à ça, là. C'est la moindre des choses de vivre sur une terre où il n'y a rien qui nous appartient, d'avoir une certaine sécurité Ben oui, qu'il y financière a à un certain niveau. Tu sais, on ça. n'est plus dans les années 1900, là, où est-ce que tu avais des acres de terre, puis tu étais autosuffisant, puis tout allait bien, là. Tu sais, on est rendu à un point où est-ce que tu peux même plus aller quelque part dans la rue, tout appartient à quelqu'un. On n'a plus aucune possession, nos maisons appartiennent aux banques, nos chars appartiennent aux banques. Fait que, tu sais, moi, j'ai vu, en tout cas, bref, ça me fait penser à un post que j'ai vu sur Facebook de Radio X, de 98.1 à Québec. Que pensez-vous de 2 000 $ par semaine pour les gens qui n'ont plus de travail? Puis, il y avait beaucoup d'émoticônes, presque toutes les émoticônes, c'était des personnes fâchées. Puis là, ça te démontre le niveau de conscience de la masse quand tu dis qu'on va te donner, dans une situation de crise, 2 000 $ par mois, puis il y a des gens qui sont fâchés. Puis ça montre le conditionnement, comment qu'on est conditionné de travailler pour un petit pain. On s'est tellement fait à croire par le système que l'argent, c'est rare, d'être riche, c'est rare, puis c'est pas possible d'être dans l'abondance, puis il faut travailler fort pour avoir de l'argent, puis il faut travailler fort pour maintenir notre richesse, que quand on donnerait, si on se faisait donner de l'argent comme ça, on saurait même pas quoi faire avec. On serait genre, ben voyons, j'ai pas droit à ça, moi. Ouais, les gens se C'est grave. sentiraient coupables. C'est un petit peu, fait penser à la mentalité chrétienne catholique ici au Québec, dont nous sommes les héritiers, où Ouais. les gens croyaient qu'ils devaient vivre pour un petit pain, puis dans le fond, la richesse, c'était pas beau, puis c'était de l'exploitation, puis de se sentir coupable d'avoir de l'argent. Mais c'est ça, moi, l'idée du revenu minimal garanti à travers la crise présentement, parce qu'il va y avoir des révolutions, peut-être que ça va être l'une d'entre elles qui va émerger, dans le sens que si la crise dure plusieurs mois, puis chaque personne a un revenu minimal qui est garanti par le gouvernement de 2 000 $ pardon, par mois, bien, il y a peut-être des gens qui vont y prendre goût, puis par la suite vont vouloir que ça perdure, là. Ouais. Puis tu sais, pour ceux qui ont fait des études un peu derrière les rideaux de ce qui se passe en arrière des gouvernements, puis ceux qui ont déjà lu sur les lettres, puis les banques, les cartels de banques, puis les autres sociétés, puis les différentes sectes de hollywoodiennes, puis tous les dossiers qui sont comme un petit peu en arrière-plan, là, que sont durs de voir, d'être exposés aux médias de masse. Moi, je suis intéressé parce que j'écoute certaines personnes qui parlent d'un démantèlement de l'élite ou des États profonds qui contrôlent les gouvernements puis tout ça, puis que Trump serait le héros de ça. Ça serait la personne qui serait responsable du démantèlement de l'élite. Puis moi, j'entretiens aucune possibilité que soit ça soit ça ou que c'est juste une coïncidence puis qu'il y a un virus sur Terre puis bon ça donne qu'on a une pandémie puis ça en donne qu'on a des confinements qu'on n'a jamais eu, on n'a jamais vécu ça dans le passé. Mais dans les deux cas, j'ai vu beaucoup aussi de personnes dire que ah ça c'est pour amener un état de loi martiale puis de contrôler le monde puis de les oppresser encore plus. Mais moi vibratoirement ça me parle pas ça, j'ai pas l'impression qu'on est capable d'être encore plus oppressé. Je pense qu'on est dans un revirement de situation qui va nous amener à aller plus loin, voir qu'on est beaucoup plus riche qu'on le pense. Parce que c'est juste que l'argent, il est gardé à des endroits au lieu d'être distribué. Tu sais, il y a comme un blocage, il y a Ben oui, comme un ben c'est sûr cancer que dans notre société oui, qui ben on bloque est l'argent, ben c'est le ça. mouvement de l'économie. Ouais, certainement, mais c'est sûr qu'au niveau planétaire, ce qui bloque la libre circulation de l'argent, c'est l'existence des paradis dans le fond fiscaux, dans les lieux offshore, là, que ce soit les Bahamas ou d'autres endroits, ou juste l'État du Delaware aux États-Unis, où les gens, dans le fond, n'ont pas nécessairement à payer d'impôts par rapport à leurs revenus. Tu sais, il y a des endroits de paradis fiscaux que finalement la richesse n'est pas redistribuée. Puis il y a des accumulations de richesses. Puis pendant ce temps-là, ce qui arrive, c'est que en fait, l'essentiel de l'humanité vit dans une situation de précarité extrême. Puis il y a quelques riches. Il y a moins 1% de la population mondiale qui possède l'ensemble des ressources. T'sais. Il y a une Ouais, puis je pense disparité. qu'il s'agit pas de rentrer dans un État communiste ou socialiste avec des revenus de base, puis tout le monde pareil, puis on fait toutes la même chose, puis on est toutes des copies conformes l'une de l'autre, mais plutôt d'avoir une sécurité financière qui permet que si tu deviens malade, tu peux prendre congé. S'il arrive des situations comme qui arrive présentement, tout le monde serait béton. Ça aurait été très facile de contenir la population, puis de dire, restez chez vous, vous avez un revenu minimal de base, l'argent va continuer de rentrer, inquiétez-vous pas, on C'est ferme tout, ça. on met tout sur pause. Exact. Ça serait plus Fait que là, tu as facile à une latitude. gérer. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, le gouvernement dissident, là, on hausse le ton, là, vous obéissez pas. Les gens obéissent pas parce qu'ils vivent un stress. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les demandes faites par le gouvernement puis le retour du peuple. Si le peuple a plus de moyens, il est dans le rouge. Il va être agité. Il va pas rester chez eux tranquille parce qu'il va avoir un niveau de stress élevé. Mais s'il y avait un revenu de base, où je regarde certaines personnes dans mon entourage ici, proches, là, qui sont sur l'assistance sociale, eux autres sont pas stressés. Parce qu'eux autres, ils ont un revenu déjà. Donc, puis des gens qui veulent se développer, mettons, un projet d'entreprise ou commencer à travailler à temps partiel ou étudier, changer de métier, ben, tu sais, ils peuvent couper leurs heures de travail un peu, prendre des travaux en ligne, apprendre quelque chose de nouveau, changer de carrière, se développer. Mais il y a quelque chose, tu sais, si tu parles avec ça, avec des gens qui sont à droite, là, hey, voyons donc, c'est quoi ça, donner de l'argent sans rien faire à quelqu'un? Comme si on était des mendiants, tu sais, on est né sur la terre pour rien. Faut travailler à la sueur de notre front jusqu'à. Il y a des gens qui sont à la retraite, qui sont obligés de retourner sur le marché du travail parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Tu sais, ça n'a pas de sens. Tu sais, on est rendu à une époque où ce que on sort des nouveaux téléphones à chaque année, des chars de plus en plus modernes, mais on n'est pas capable de s'offrir une certaine quiétude d'esprit financière parce qu'on pense que ça va enlever l'aspect compétitif de l'homme. Évidemment que ça va l'enlever à une très haute partie, mais il n'y a pas juste l'aspect compétitif de l'homme qui fait avancer la société, il y a l'aspect créatif de l'homme. Puis pour que Voilà. l'homme soit créatif, il y a besoin d'avoir une certaine période de vide, d'espace, de temps pour laisser ça descendre des idées. Mais si tu es tout le temps oppressé à cause qu'il faut que tu ailles à gauche puis à droite pour remplir des tâches puis faire de l'argent pour gagner ta vie, puis ci, puis ça, mais tu n'as pas l'énergie nécessaire pour pouvoir être créatif parce que tout ton temps est divisé dans toutes sortes de choses qui sont nécessaires pour la survie. Fait que tant et si longtemps que l'individu a la survie, il peut pas s'éveiller à des plans plus élevés de sa conscience, puis changer d'orientation, de travail ou de hobby ou de développement d'une carrière autonome par rapport à quelque chose qu'une passion qu'il a toujours eue. Tu sais. Exactement. C'est sûr Mais que. j'ai hâte de voir Oui. le déroulement de ça, en effet. Oui, Ouais. c'est ça. Mais probablement qu'en lien avec la crise, parce que chaque crise est porteuse de nouveaux développements. Tu sais, si on regarde, par exemple, quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, vu qu'il manquait d'employés parce que les hommes étaient partis à la guerre, les femmes ont intégré le marché du travail. Puis par la suite, bien, les femmes ont voulu rester sur le marché du travail là, au Canada. Et ça a favorisé dans un certain sens l'émancipation de la femme qui pouvait avoir accès à un revenu. Puis moi, j'ai l'impression que par rapport à la crise présente, ce qu'on va retirer, c'est le développement rapide du télétravail. Donc les gens qui vont travailler à distance avec Internet, ils vont en avoir de plus en plus. Puis la crise Oui. présente favorise l'expansion de ça. Oui, puis c'est une bonne affaire parce que c'est très incohérent pour moi qu'une business qui fonctionne presque seulement par des systèmes informatiques, OK? Des courriels, des téléphones, des textos, du graphisme, du montage vidéo, c'est toutes des choses qui se font sur un ordinateur. Puis je pense qu'on est rendu avec des technologies suffisamment avancées pour pouvoir échanger le matériel à distance, puis les rendez-vous, puis les conférences, mettons, ou mettons les grosses business, là, où est-ce qu'ils sont tous assis autour d'une table, puis ils ont Oui, des les rendez-vous ensemble, vidéoconférences, oui. les vidéoconférences, oui, ben de faire ça à partir de la maison. Surtout dans les grosses villes, mettons, comme Manhattan, là, dans l'État de New York, où est-ce qu'il y a des gens qui font, je ne sais pas, moi, 2, 3 heures de trafic le matin, puis le soir, pour aller dans un cubicule, pour finalement être isolé dans ton cubicule, à envoyer des courriels à quelqu'un qui est à 3 cubicules plus loin. Et puis on parle d'environnement, ben tu pollues, tu sais, tu prends un véhicule, tu pollues l'environnement, tu cours, il faut que tu te lèves tôt, t'as moins, tu manges des heures de productivité dans ta journée qui pourraient être utilisées à travailler au lieu de faire une journée de travail complète, juste pour dire qu'il faut que tu fasses une journée de travail complète. En plus des déplacements, puis de toutes les choses qui doivent être faites à travers ça. Fait que moi, je trouve, comme tu dis, c'est une très, très belle opportunité pour faire voir, parce que ça prenait ça pour le faire voir, que c'est possible. Puis là, c'est là que ça va être intéressant, parce que peut-être que les dirigeants d'entreprise vont dire, OK, on vient au travail. Il y a peut-être bien des employés qui vont faire, ouais, mais moi, je peux travailler de chez nous. Exactement, puis ça a fonctionné pendant plusieurs semaines. Fait que pourquoi que ça fonctionnerait plus à présent? Exact. Mais là, c'est là qu'on va jouer dans l'aspect du contrôle. Parce que c'est dur pour un employeur, en tout cas pas tous les employeurs, évidemment, il y en a qui sont plus compréhensifs, mais certains employeurs qui sont un peu dictatoriaux, hey, tu vas rentrer travailler. Oui, mais j'ai pas de besoin de rentrer travailler. Je peux tout faire en ligne à partir de chez nous. Mais on veut voir que tu es dans l'environnement de travail. C'est comme t'es pas capable de faire les choses de façon simple, tu sais. Fait que ça, c'est intéressant. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de gens qui vont s'enligner vers le télétravail, puis aussi des nouvelles jobs. Il y a peut-être des nouvelles jobs qui vont se créer là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui vont trouver leur travail beaucoup très ennuyant. Ils vont faire « Hey, mon Dieu, j'étais donc même pas heureux là-dedans, crime! » Puis quand tu goûtes à un nouvel état de bonheur, parce que tu travailles plus, puis tu as des vacances, ben soit tu vas revenir dans ton travail, puis tu vas être vraiment content, tu vas avoir des nouvelles idées, ou bien tu vas aller dans un nouveau travail parce que tu vas réaliser que peut-être que la job que tu faisais, c'était lourd et désagréable, tu sais. Ouais, ben c'est sûr que la crise peut donner un élément de comparaison par rapport à un autre état vécu. pendant plusieurs semaines qui va amener la personne à renégocier son rapport au travail, entre autres. Ben oui, c'est la nature de tous les chocs, c'est de remettre les priorités aux bonnes places, tout le temps. Tu sais, t'as passé 3 semaines, 1 mois avec ta famille, t'as travaillé à partir de chez vous 3 heures par jour, tu fais le même salaire. Je doute que tu vas vouloir retourner 40 heures par semaine dans ton bureau. Puis Exact. peut-être qu'il va y avoir une Ouais. remontée de l'employé face à l'employeur, puis un certain pied d'égalité qui va s'installer aussi. On va voir, hey, crime, vous êtes importants, les employés, puis hey, crime, les employeurs sont importants. C'est toute cette chaîne-là, on va voir la fragilité de ça. Puis je pense qu'on va revoir de plus en plus de travail d'équipe. Mais moi, ça me dit intérieurement qu'il va y avoir un allègement. Après ces événements-là, il OK. va y avoir un allègement dans nos vies. Je sais pas quelle forme ça peut prendre, mais moi, je ressens qu'il va y avoir un allègement. Ben, peut-être que les gens vont être moins superficiels qu'ils pouvaient l'être avant, dans le sens que quelqu'un qui craint pour sa vie ou celle, la santé de ses proches, que ce soit ses grands-parents, parce qu'ils sont âgés, sont plus à risque, ben, c'est sûr que quand la personne compose pendant une période significative de temps avec des motifs de vie ou de mort en relation avec une pandémie, ben, après ça, ça devient plus léger composé avec les contrariétés du quotidien, comme pas avoir tout de suite son café au restaurant, là. Exactement. Puis tant mieux, parce que il était très temps qu'on vive quelque chose sur Terre qui nous ramène les pendules à l'heure, parce que ça a plus de sens, tu sais. Notre système économique de construire des choses qui sont construites pour se briser après un certain nombre de temps, Ah oui, après les l'obsolescence garanties programmée, là. prolongées. Ouais. Oui, c'est ça, excuse-moi, j'avais perdu les mots, là. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que ça l'arrête, ça. Tu sais, ça n'a pas de sens. Puis beaucoup, beaucoup, beaucoup du travail que les gens ont à faire, c'est pour faire avancer les technologies, mais pas des avancées technologiques qui facilitent la vie nécessairement. Mais juste des avancées pour faire des avancées. Puis ça crée un stress énorme sur les individus, parce que tu es là, puis tu t'achètes un téléphone, puis 2 ans après, tu veux garder ton téléphone, mais tu peux plus rien faire avec. Puis après ça, c'est ta laveuse, puis après ça, c'est ton char, puis toi, tu t'es acheté un char usagé, mais c'est un 2018, puis là, il y a plein de sensors dessus, des sensors qui brisent, puis là, c'est juste le concessionnaire qui peut réparer ça, puis ça coûte une fortune, puis là, tu n'es plus sa garantie. Ça crée beaucoup de stress. Puis tous ces éléments-là, je pense que là, avec l'arrêt de ça, on clash dans l'opposé, là. T'sais, on voit là, mon Dieu, j'ai plus le goût de vivre ça, j'ai plus le goût d'embarquer là-dedans. C'est quoi là, dépenser des milliers de dollars pour toutes sortes de formes matérielles qui brisent après un certain nombre de temps? Fait qu'avec un peu de chance, je pense qu'on va voir un changement économique ou du moins une redéfinition de nos priorités sur notre pouvoir d'achat, t'sais, sur qu'est-ce qu'on achète. Puis la qualité de ce qu'on achète, puis on va opter beaucoup plus pour la durabilité. Parce qu'on va faire, hey, dans des situations de crise, c'est important d'avoir des affaires qui fonctionnent tout seul, qui fonctionnent longtemps, qui se réparent bien. Fait que je serais pas étonné de voir des changements à ce niveau-là. Oui, c'est très possible parce que c'est sûr que la crise amène à aller à l'essentiel. Ben, on le voit avec la fermeture des commerces, tu sais, les salons de coiffure sont fermés, ensuite d'esthéticiennes, les restaurants, les endroits où il y a des matchs de hockey aussi. Ben, ce qui reste, c'est l'essentiel. L'individu est confronté à regarder c'est quoi l'essentiel qui est pertinent dans sa vie, là. Ouais, c'est sûr que nous, tu sais, on vient de la ville de Québec, mais on n'y habite plus, là. Oui. Puis moi, ça change pas grand-chose dans ma vie, parce que je réalise que bon, les seules choses que j'achète en général, c'est de l'épicerie. Puis si je commande des choses, souvent je vais les commander sur Amazon, puisque c'est des affaires suffisamment spécifiques que je peux pas les trouver dans ma région, sinon je les achèterais dans ma région. Puis je profite beaucoup de l'extérieur. Tu sais, je vais dehors, je m'entraîne. Puis moi, ça, c'est comme si mon mode de vie il avait très très peu été affecté, parce que je fonctionnais déjà avec mes essentiels. Puis ça donne que mes essentiels sont les essentiels apparemment de la société. Donc je suis pas trop affecté dans mon mouvement. Là, ce que je vois par exemple tantôt, je suis allé chez Walmart faire l'épicerie, Oui. puis il y avait pas de file d'attente, mais tu sentais qu'il y avait une certaine tension, là, tu sais, puis il y avait mis des lignes, des flèches de direction pour les allées avec des tapes à chaque 2 mètres pour que les gens soient pas trop proches l'un des autres quand ils circulent avec des paniers, malgré le fait que personne respectait les lignes. ou quoi que ce soit, là. Mais dans d'autres épiceries, il y avait des files d'attente à l'extérieur. Puis ça me démontrait à quel point que comment des fois on va aller, oh, on va faire la file d'attente ici. Au lieu de suivre ton intuition, là, dis, attends, je vais aller voir là-bas. Là, tu arrives là-bas. Ah, comme de fait, il n'y a pas de file d'attente. Tu n'attends pas. Tu tacs tes propres Oh oui, sacs, tu mais c'est passes pas parce devant. qu'il y a une file d'attente que ça veut dire que c'est important, là. Non, mais tu sais, c'est comme on dirait qu'il y avait des gens qui semblaient vraiment être contents d'attendre dans une file d'attente. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est intéressant ça. Je fais pas partie de cette gang-là. Moi, je préférerais bien plus rentrer et faire mes affaires. Surtout quand c'est à 2 minutes, l'un de l'autre, Oui, exactement. là. Sinon, l'un des constats que je faisais hier, je marchais tout seul dehors, puis ça m'est venu en tête l'idée que la crise actuelle sert à sortir les gens du collectif. La personne qui est déjà très individualisée n'en souffre pas autant parce que si elle n'aimait pas aller voir tous les trucs avec la foule comme des concerts, des matchs d'hockey, des matchs de soccer, de football, ou ce que c'est tout le temps dans de la foule, si la personne est très sensible puis elle n'aime pas ça être exposée à ça, bien, le fait qu'elle ne peut pas faire ça présentement ou des rencontres d'amis ou de famille, bien, elle n'en souffre pas parce qu'elle était déjà individualisée. Par contre, la personne qui est très collective puis elle se définit essentiellement pour aller à chaque semaine à des soupers d'amis ou une fois par mois aller voir un match de hockey du Canadien, bien, elle va souffrir en maudit de la crise présente, là. Ben oui, c'est ça. Puis moi, c'est ça que je remarque aussi, justement. Puis ça me montre à quel point j'utilisais rien de ce que la société me donnait comme nourriture, de divertissement. Tu sais, moi, les sports sont arrêtés. Bon, ça me fait rien. Les concerts sont arrêtés. Je vais jamais voir de concert. Toutes ces choses-là, où Oui, tu ben, regroupes énormément d'individus, c'est exactement. pas des choses qui m'attiraient au préalable. C'est ça. Puis Moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais aller voir des spectacles de musique rock. J'avais été voir le groupe, entre autres, Rammstein au Festival d'été de Québec en 2010. ouais. Puis quelques années après, ils sont revenus, mais ma vibration avait quand même changé. Puis mon frère m'avait offert de me payer le billet. Puis ça vaut quand même cher, là, pour aller accéder au Festival d'été de Québec. Puis j'avais refusé. Parce que en développant plus en sensibilité, je trouve ça agressant dans une foule là. Parce que souvent, dans une foule de musique, de gens qui aiment la musique heavy metal, mais les gens vont consommer de la marijuana, ils vont souvent crier, ils vont se rentrer dedans, voir du moche là. Fait que ouais, fait que non, ça me parlait plus. Fait que même si j'aurais pu y aller gratuitement, puis probablement que ça valait peut-être au moins 80$ ou 100$ à l'époque pour accéder à ça, puis on me l'offrait. Non, ça, je me sentais pas à l'aise avec ça, tu sais. Ouais, ben c'est ça, c'est parce que c'est plus je pense qu'on se conscientise puis on se sensibilise à nos besoins, plus on devient sélectif, tu sais. Puis on se nourrit de moins en moins de la collectivité. Il y a beaucoup de gens qui vont dans une foule comme ça parce qu'ils vont aller chercher énormément d'énergie dans la foule. Ça va leur créer un état d'euphorie, puis ça va leur donner un sentiment là, de vivre, tu sais. Mais je pense que quand tu arrives à un niveau de sensibilité, où est-ce que tu as des besoins qui sont prédéfinis, tu sais exactement où est-ce que tu vas, aller dans une foule comme ça, peut-être tu peux y aller, mais beaucoup moins longtemps qu'avant parce que ça tombe vite à l'extérieur de ce que tu as de besoin, ça te passe de agréable à agressant assez rapidement. T'sais. Surtout t'sais, quand on pense à tout le déplacement, d'arriver là-bas, trouver un stationnement, rentrer dans cette foule-là, sortir de la foule après le show, retourner dans ton char, faire du trafic. C'est, en tout cas, pour moi, personnellement, c'est énormément de lourdeur des événements collectifs comme ça. Ah oui, c'est une grosse perte d'énergie. Tu te ramasses dans une situation d'embouteillage après le spectacle parce que tout le monde veut le partir en même temps. Puis par la suite aussi, le coût du stationnement aussi. Tu vois, à Québec, là, puis trouver un stationnement aussi, ça crée du stress, ça crée des tensions, tout ça mis ensemble. Ouais. Puis c'est parce que j'ai remarqué, en tout cas, beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé, souvent l'excitation, on voit pas ça comme du stress, on voit ça comme quelque chose de positif, de le fun. Mais l'excitation dans le corps humain, ça crée un stress. Parce que c'est une grosse production d'adrénaline. Souvent à cause que mentalement, on est en train de visualiser un futur qui ça fait longtemps qu'on attend de vivre, ou ben qui va nous intéresser, ou on s'imagine que le futur va être mieux que ce qui est vraiment. Puis ça nous met dans un état d'excitation puis de fébrilité avant les événements. Mais souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que dans toute période d'excitation positive, la personne vit une grande baisse d'énergie après. C'est très peu constant. Oui, mais C'est un c'est. état d'euphorie, puis après ça, un état de fatigue. Oui, ben c'est Puis là, ça, là. ah, oh, non, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû me coucher plus tôt. Puis Ouais. là, ça vient affecter 2, 3 jours après. Fait que, tu sais, Ouais, ben je pense plus que. qu'elle monte haut au niveau de l'âme, puis plus qu'elle doit descendre bas pour éventuellement se restabiliser, puis trouver son juste milieu. Parce que c'est une polarisation. C'est comme la personne qui vit un état maniaque, un état d'euphorie, puis un état dépressif par la suite, temporairement, pour se réajuster, puis retrouver un état de stabilité mentale entre les deux. Ben, tu sais, si tu regardes ça objectivement, les humains, on est tous un petit peu maniaco-dépressifs. À un On est certain juste pas niveau, exact. cliniquement. C'est ça, parce que, tu sais, quand on considère quelqu'un maniaco-dépressif, c'est qu'il atteint un Degré certaines qui limites. devient pathologique, là, parce que t'sais, un état de manie pendant plusieurs heures, puis l'autre dépressif plusieurs jours ou plusieurs heures, là, c'est très polarisé, là, t'sais, c'est très intense, mais t'sais, tant que la personne a de l'âme, une fluctuation de son état émotif, mais plus qu'elle intègre l'esprit, puis moins normalement elle est supposée d'en vivre, là. Ben, c'est parce que c'est quand on parle d'âme et d'esprit, Oui. c'est d'avoir une raccordance entre les événements qu'on a vécus ou nos mémoires, notre passé, toutes les expériences émotives expérientielles, qu'on va appeler, mettons, le réservoir de tout ça, ce serait l'âme. Mais c'est d'avoir suffisamment d'ordre dans cette matrice d'énergie-là, donc d'ordre d'esprit, de lumière, pour attacher tous les points les uns en arrière des autres pour voir la cohérence dans le mouvement. Mais s'il n'y a pas de vision de cohérence dans le mouvement, la mémoire est utilisée contre nous. Elle va être amenée dans le futur pour nous faire peur de quelque chose parce qu'on a déjà vécu quelque chose de similaire, puis on le projette en avant, ou on va vivre une culpabilité de quelque chose qu'on a fait mais qui était plus fort que nous à cause qu'on n'avait pas les ressources mentales, psychologiques nécessaires pour travailler différemment. Fait qu'on va être ballotté tout le temps entre l'un puis l'autre. Ça crée un petit peu ce désordre-là de ah, ben là, je vais voir du positif. Fait que là, on se projette du positif dans le futur. Là, ça nous élève un petit peu, ça nous donne un sentiment de motivation. On est actif, on fait des bonnes actions. On va faire des Puis après pancartes. ça, Ça fait penser aux pancartes qu'on peut faire dans la fenêtre. Il y en a beaucoup qui font ça au Québec ça va présentement. bien Ça va aller. bien aller là, avec les arcs-en-ciel, le projet du futur, du positif pour le futur. Ah, mais tu sais, c'est correct tout ça. T'sais, si ça fait du bien aux gens de se dire ça va bien aller, c'est correct, mais il ne s'agit pas de dire ça va bien aller, il s'agit de voir qu'est-ce qui va bien présentement, puis qu'est-ce qui va mal. Puis de le regarder de façon objective, puis de traiter avec ce qui va bien de façon créative. Ça veut dire que si on a l'argent, on a de la bouffe dans le frigo, on a une bonne santé, ben, on est bien avec ça, ça nous donne une certaine sécurité. Puis si, ben, nos grands-parents s'en inquiètent, puis si, puis ça, ben là, faut traiter avec ça. Il faut avoir des réponses par rapport à ce qui se passe. Tu sais, il faut aller en dedans de nous-mêmes, essayer de vérifier, bon, c'est correct ça? Ouais, parfait. Pars avec ça. Pas besoin d'avoir la voyance de notre futur au complet pour avoir une certaine sécurité dans l'ego. Il s'agit juste de savoir si, présentement, on vit adéquatement pour répondre à nos besoins puis maintenir un certain équilibre. Si oui, on continue de même jusqu'à preuve du contraire. Sinon, on change quelque chose. Mais Exactement. plus facilement dit que fait. Oui, parce que les gens ont tendance à se réfléchir puis à être prisonniers des mémoires qui, ces formes-là, qui vont les manipuler justement pour avoir peur dans l'avenir ou sentir coupable du passé, puis ainsi de suite. Donc. Ouais, puis on s'entend que les formes médiatiques de médias sociaux puis de nouvelles sont très, très ferrées sur la psychologie humaine, puis comment faire vibrer ces craintes-là, puis ces insécurités-là dans les individus. Puis c'est ce qu'on voit en ce moment. Puis moi, Exactement, en tout cas, oui. personnellement, ça, si on n'a pas une vision élargie du processus cosmique de la vie, puis comment que la Terre fonctionne, puis comment que les forces de vie fonctionnent, on va vivre peut-être de l'insécurité, mais faut se rappeler toujours de la petitesse de ce qu'on est, puis de la grandeur du cosmique autour de nous, puis de savoir que ça fonctionne déjà dans un ordre de perfection. Mais on a peut-être de la misère à faire confiance à ça, de se rattacher à ça, sans rentrer dans le phénomène de Dieu ou des religions. La vie, c'est bien fait, ça fonctionne bien, c'est structuré, il y a de l'ordre. Fait que ce qui se passe à tous les moments dans la vie, c'est toujours, ça fait toujours partie d'une structure intelligente. Il y a toujours un mouvement d'intelligence derrière ce qui se passe. Mais c'est sûr que quand c'est regardé de façon morale, ben, il y a des choses qu'on va reconnaître comme étant bonnes puis mauvaises. Mais la vie, elle n'a rien à foutre de la position morale d'un individu face aux événements qui se passent sur Terre. Parce que ça n'a pas de substance, anyway. La seule chose qui a de la substance, c'est le courant événementiel, puis c'est l'information qu'on peut aller chercher dans les événements pour nous donner un petit peu plus de clairvoyance de où est-ce qu'on s'en va, puis comment apprendre à se protéger par rapport à des craintes, de la propagande, puis toutes sortes d'informations qui arrivent de tous bords, tous côtés dans notre psyché, puis d'avoir un centre qui nous permet de dire, OK, ça, non, ça, c'est pas utile, ça va être pour plus tard. Ça, c'est des craintes, ça n'a pas rapport. D'être capable de mettre des limites. T'sais. Je pense que la santé, ça commence là. Oui, ben ça vient dans le sens du discernement aussi. Totalement. Puis quand on regarde, mettons, un système immunitaire, c'est quoi qu'il fait essentiellement? Il met des limites. Exactement. Il met des cellules en quarantaine pour protéger les autres cellules. Il met des limites. Fait que tous les organismes humains, ils se mettent des limites. Ils ont chacun des limites. Donc, nous, on en a à un certain niveau, mais psychiquement, on est un peu poreux, là, tu sais. C'est comme si on a des maisons avec des systèmes d'alarme, puis des caméras de surveillance, mais notre psyché, c'est comme une maison dans le sud sur une île, là, tu sais, qui a même pas de porte, là, tu sais. C'est comme juste un amas de paille, là, qui l'air rentre là-dedans, puis la pluie rentre là-dedans, puis après ça, on se demande pourquoi qu'on est tout en déconfiture quand il arrive des événements difficiles. Parce qu'on Oui. n'avait pas pris conscience de ce territoire-là intérieur qu'on a en nous, puis à quel point ce territoire intérieur-là est la source de notre souffrance, puis de nos limitations. Oui, exactement. C'est sûr que tant que la personne n'est pas confrontée à un obstacle, elle ne peut pas prendre conscience de ses failles, entre autres, de les limites qu'elle a aussi, tu sais. Ouais, puis il y a une autre affaire, c'est qu'il y a beaucoup, je vois beaucoup de personnes qui n'osent pas. Tu sais, ose pas demander de l'aide, ose pas parler de la problématique, ose pas demander du temps off, de la job, ose pas. Tu sais, il y a une grande rigidité que je vois là au niveau des gens qui font en sorte qu'ils ont de la misère à se donner ce qu'ils ont de besoin, puis qu'est-ce qui leur fait du bien. Ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Tu sais, ben voyons donc faire 2 000 $ sans rien faire, ça n'a pas de bon sens. Comment je pourrais accepter ça? Ben, ça nous montre comme la petitesse de notre fonctionnement mental. Tu sais, ça nous montre que on n'est pas prêt à de l'abondance, on n'est pas prêt à de la richesse, puis faut pas se demander pourquoi qu'on vit dans la pauvreté. Encore aujourd'hui, si on a des mentales qui fonctionnent avec cette résonance-là, là. Oui, exactement. C'est sûr que le conditionnement du passé que les gens ont hérité avec la croyance qu'ils doivent, par exemple, travailler à la sueur de leur front, hérité du judéo-christianisme, où ils doivent expier, ils viennent sur la terre pour expier de leurs péchés. Oui, ben, ou Mère Teresa, on m'a rapporté que Mère Teresa, elle, dans ses mouroirs, elle donnait pas des soins palliatifs parce que elle trouvait rien de plus beau que de voir les gens souffrir parce que ça faisait penser à Jésus, puis que c'est à travers la souffrance que l'âme s'élevait, tu sais. Oui. Je sais, je te crois. Avait un côté comme masochiste, puis cette femme-là est présentée sur la scène internationale comme étant une sainte, une personne d'une grandeur d'âme incroyable, mais en réalité, derrière ça, il y avait une rigidité d'une programmation religieuse archaïque qu'elle imposait aux autres. T'sais, elle, ça, si dans le fond, elle veut souffrir sans soins palliatifs, ça y appartient. Mais si elle impose ça à d'autres êtres humains, là, moi, je commence à avoir un problème, là. En tout cas, aujourd'hui, on n'est plus là, là. La moindre petite affaire, on donne un calmant, puis un antidouleur, puis un En anti-inflammatoire. Occident, dans la médecine qui se pratique présentement en Occident, mais je veux dire, sur la Terre, c'est pas partout pareil, là, c'est sûr. Mais. Non, mais je pense que on pourrait faire un enregistrement complet sur la souffrance, parce que la Oui. souffrance, c'est la raison pourquoi on s'empêche de faire plein de choses. Puis aussi, c'est la raison pourquoi on essaie de sauver le monde. C'est parce que nous, on n'aime pas souffrir, donc on dit on veut pas que d'autres personnes souffrent. Puis regarde exactement ce qui se passe en ce moment, là, juste au Québec. Faut protéger les gens, on veut pas que les gens meurent, faut toutes les sauver. comme si c'était nous, là. Tu sais, on jouait le Dieu, là. C'est nous, Dieu, là, puis c'est à nous de sauver l'humanité. Mais on sauve l'humanité de quoi, essentiellement? De deux choses. De la souffrance ou de la mort. Pourquoi? On a peur de souffrir, on a peur de mourir. Fait que tout ce qu'on a vécu dans nos pas, dans notre passé qui se rattache à la souffrance, on n'a pas aimé ça, ça a été inconfortable. On n'a pas encore compris pourquoi on a vécu ça. Puis là, on veut empêcher d'autres personnes de vivre ça parce qu'on ne comprend pas puis on n'aime pas vivre ça. Mais, tu sais, ce que Mère Teresa faisait, bon, sans le consentement du patient, je comprends que c'est un petit peu irrespectueux, mais si le patient était consentant à partir en souffrance, ben, ça peut être une expérience de vie qui peut être enrichissante parce que moi, je fais juste comparer avec des événements que j'ai vécu au niveau médical puis au niveau des entraînements que j'ai faits, des combats. C'est de la grande souffrance, mais il y a une grande récompense après. Puis c'est une souffrance qui est toujours ajustée à qu'est-ce que la personne a besoin de vivre pour grandir. Tu sais, je le vois un peu comme, tu sais, tu frottes la peau, puis là, ça crée de l'irritation. Puis là, à un moment donné, cette peau-là, elle se renforcit, puis là, tu la frottes encore, ça crée un peu d'irritation, ça se renforce encore plus. À un moment donné, t'as même plus de la vraie peau, c'est comme une espèce de cuir qui s'est construit par-dessus la peau. Ben ça, c'est un processus adaptatif. Mais c'est le même principe que la psychologie, la souffrance psychique. Quand quelqu'un vit de la souffrance au niveau de ses émotions, il vit des altérations dans ses corps subtils, il vit des sensations dans ses centres d'énergie, dans ses organes, dans son corps. Puis ça l'amène plus loin. Ouais, ben Cet inconfort-là le met en mouvement, il fait regarder les choses d'une façon ça différente pour. j'apporterais comme nuance que ça peut l'amener plus loin s'il a la capacité d'intégration. Parce que s'il l'a pas, la souffrance va l'amener à être en état de dépression et éventuellement, voire même se suicider. Oui, mais c'est parce que ça, c'est encore une vue qui est finalitaire. Il y a des gens qui ont ça à vivre comme expérience. Il y a des gens qu'il faut qu'ils souffrent longtemps. C'est pas tout le monde qui est au même niveau d'évolution, comme tu dis, qui va intégrer, mais la souffrance amène toujours la même chose, faire bouger l'ego de sa structure connue, le faire sortir du connu, le faire vivre quelque chose qu'il s'attendait pas à vivre. Fait que ça, c'est toujours utile. Sauf que peut-être que nous, si on le regarde avec des yeux, on va faire ah, oh, ouais, ça a pas l'air à l'aider, ça a l'air à le descendre encore plus bas. Mais il y a des gens qui ont besoin de descendre à un certain niveau pour en remonter, puis c'est pas tout le même niveau pour tout le monde. Donc, faut pas nécessairement tirer la conclusion que il y a des gens que c'est pas utile pour eux la souffrance parce que ça les amène à terre, puis il y a Non, d'autres non. personnes que c'est C'est utile. ça, c'est que dans certains cas, il peut y avoir un volet pédagogique de la souffrance, dans le sens que ça apprend des choses à la personne, ça transforme son ego, ça change son taux vibratoire. Par contre, moi, je vois ça, la souffrance, comme un élastique, dans le sens qu'avec une personne donnée, tu peux étirer l'élastique à un certain niveau, puis il ne cassera pas. C'est-à-dire que la personne ne s'écoulera pas. Il n'y aura pas des dommages irréparables qui vont être commis sur sa psyché qui va faire qu'elle va rester avec un problème de santé mentale le reste de sa vie. Mais il y en a d'autres que l'élastique va éclater, puis la personne elle va entrer en psychose, puis elle va perdre contact avec la réalité. Puis après ça, elle va rester fragilisée le reste de son existence, puis elle ne sera pas capable de se reconstruire plus forte. Oui, mais ça, c'est seulement dans la mesure où ce qu'on a une société qui n'a pas une médecine qui est adaptée à ce genre de maladie-là. Parce que on a des asiles psychiatriques, des hôpitaux, des instituts, toutes sortes de structures, infrastructures qui sont mises en place pour les gens qui ont des maladies mentales. Mais moi, pour avoir quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là très proche de moi, je peux te dire une chose, c'est que le système présentement fait beaucoup du travail de stabilisation. Mais on ne parle pas encore de guérison profonde de la psyché de la personne qui est atteinte ou qui est malade, par exemple. Pour la simple et unique raison qu'on n'a pas exploré, c'est quoi qui est derrière cette maladie-là? Qu'est-ce qui amène? Pourquoi qu'une personne, elle entend des voix? Ou pourquoi qu'une personne est délirante? C'est où qu'elle est, cette personne-là? Puis ça, t'es pas encore abordé dans la science puis dans la médecine présentement, parce que c'est un phénomène qui est extrêmement complexe à aborder, en effet, surtout pour amener ça au grand public, que ça devienne, que ça fasse partie de notre société. Donc, on stabilise les gens dans ces maladies-là, mais quand on va avoir tranquillement, pas vite, une science qui va être un petit peu plus avancée, de la maladie mentale, comme ça, on va en avoir de moins en moins. Non, Donc, on peut pas exact. dire que c'est une Ouais. finalité. C'est juste parce que on n'a pas les technologies nécessaires au niveau des ressources médicales pour traiter ces gens-là de façon efficace Ben, en fait, rapidement. la science de l'esprit existe, mais ce qui arrive, c'est que les gens n'ont pas nécessairement l'ouverture pour l'intégrer, puis aussi les corps énergétiques pour être capables de la contenir, puis faire une intervention pour modifier, par exemple, la personne sur le plan psychique au lieu de la stabiliser avec des médications comme des antidépresseurs, tu sais. Ouais. Puis aussi, ce qui est plate avec la science de l'esprit, c'est que ça arrive dans un certain temps, dans certains individus, pour l'individu. Donc, c'est pas quelque chose qui est à l'échelle collective, surtout pas pour le moment. Donc, quelqu'un qui pourrait être doté d'une certaine capacité psychique à voir au-delà de ce qui se passe derrière une personne qui est malade, pourrait probablement l'aider, dépendamment de où est-ce que cette personne-là est rendue. Il va en avoir dans un certain nombre de temps des gens qui vont traiter les patients comme ça, de façon plus à travers la parole, puis de communiquer avec ce qu'il y a en arrière, qui rend la personne malade, le courant d'idées, le courant de pensée, la force qui est L'entité. en arrière de ça. Oui, exactement. Donc, ça, quand on va commencer à voir ça, on va voir qu'il va y avoir des très grandes avancées dans la santé mentale. Puis la santé physique de ces gens-là va s'améliorer beaucoup aussi. Parce que souvent, les gens qui ont des problèmes de santé mentale, ils n'ont pas des sciences, mais des santé physique qui sont exceptionnelles à cause justement du désordre qu'il y a dans le mental. Fait que ça va être Exactement, quelque chose parce que qui va tout se est remédier. interrelié aussi, tu sais. Mais c'est sûr qu'avant qu'il y ait des parapsychologues, pas juste des psychologues au niveau de la forme, mais des gens qui ont des capacités paranormales, c'est-à-dire qui ont développé une capacité, par exemple, de perception vibratoire de l'autre pour amener des ajustements vibratoires au lieu de tout simplement stabiliser son ego avec la médication, comme ça se fait dans le domaine médical, bien, il va avoir un pont qui va être franchi, là. À un moment donné, il y aura, c'est sûr, des chocs de civilisation qui vont amener l'intégration de la science de l'esprit. Mais là, à court terme, avec la crise du coronavirus, j'ai l'impression que ça va être plus le développement d'une médecine qui va être plus forte pour combattre les vaccins. Le domaine de la virologie, l'étude des virus va sans doute avancer à vitesse grand V à cause de la crise mondiale présente, là. Mais ça va avancer, puis il va y avoir un autre virus qu'on connaissait pas. Parce que c'est la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme la science qui essaie de trouver les plus petites particules en les acheminant à grande vitesse les unes face aux autres pour les faire péter en morceaux, puis d'essayer d'étudier c'est quoi les morceaux, puis mettre des noms sur les plus petits morceaux, puis de trouver des encore plus petits morceaux, puis des plus petits morceaux. Il va toujours en avoir plus parce que la vie, c'est de l'infinitude. Fait que tant et aussi longtemps que tu résous un problème, il va en avoir un autre qui va arriver parce que le but de la Terre, c'est d'amener les âmes à évoluer à un autre niveau de conscience, à une nouvelle évolution, dans un nouveau temps. Fait que même s'il y a des études très approfondies dans la virologie, ça va rien changer. On va avoir un vaccin pour le coronavirus, SARS-CoV-2 comme on a présentement. Là, il va y avoir un COV3, puis on n'aura pas le virus pour le COV3. Ben, le On va vaccin, en tu veux faire. dire? Oui, un vaccin, Oui, excuse-moi. exactement, mais c'est ça, c'est comme la grippe saisonnière. Il y a plusieurs virus se sont développés, puis il y a plusieurs souches de grippe. Des fois, les gens se font vacciner, puis finalement, c'est une autre souche qui sort au lieu de celle qui avait prévu avec leur modèle intellectuel. Donc, ben, c'est ça, les virus évoluent, l'être humain évolue, mais moi, la façon que je vois ça sur du très long terme, c'est qu'éventuellement, l'être humain pourra commander à la matière lorsqu'il sera fusionné avec l'esprit. Fait que le virus va être neutralisé automatiquement par le taux vibratoire de la personne qui va être capable de commander à sa biologie, puis il va être capable de faire éclater la forme du virus comme un peu une note de musique qui va faire éclater un verre en cristal. Mais ça, J'irais c'est. même plus loin que ça, puis je te dirais que tu vas être malade quand tu as besoin d'être malade, puis tu seras pas malade quand tu n'as pas besoin d'être malade. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de commande, puis de changer la biologie, puis de guérir tout le monde, puis d'envoyer une fréquence particulière à travers le son dans les cellules pour changer la structure, puis de détruire les virus. Tout est ordonné. Ça tanne le monde parce que je dis souvent Mais ça, tout est c'est correct. intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser au philosophe jovialiste André Moreau qui disait: Il n'y arrive à un homme que ce que lui ressemble. Oui. C'est-à-dire qu'il y a Puis un ordre qui fait. Oui. même quelqu'un de conscient, là, on l'a vu, écoute, des conférenciers au Québec, là, Bernard de Montréal, Daniel Ménard, ils ont eu des maladies et ils sont décédés. Ça fait-tu d'eux des gens inconscients? Non. Mais le temps qui est alloué avec l'emprunt qu'on a, qui est un corps biologique, il vient à une échéance. Il est écrit dans le temps, l'échéance. Puis ça, il y a bien du monde qui ne veulent pas accepter ça, puis qui ne veulent pas croire à ça, puis tant mieux pour eux autres, qui croient qu'est-ce qu'ils veulent. Mais quand on est malade, on est malade. C'est toujours intelligent d'être malade parce que ça nous permet d'aller à un autre level. Puis je dis pas que dans 1 million d'années ou dans même 1 000 ans ou 100 ans qu'on va traiter les maladies comme on les traite aujourd'hui, probablement que ça va être encore plus efficace. Mais reste que toutes les oppositions de vie, qu'elles soient physiques, émotives, à n'importe quel niveau, sont toujours là pour amener l'âme à évoluer C'est ça, à un mais autre niveau, ouais, à se rapprocher de plus en plus de sa source. De la réalité, du courant de réalité qui l'habite, puis ce qui mène, dans le fond, ce qui met en mouvement tous les événements sur la Terre, dans le système solaire, dans notre galaxie, puis dans les univers, puis dans les super-univers. Fait qu'il y a un mouvement, là, tu sais, derrière ça, il y a une intelligence, une architecture, puis ça s'en va quelque part. Donc, nous, de penser que quelqu'un de conscient peut se guérir instantanément, peut-être certaines personnes peuvent faire ça, mais en général, si tu vas être malade, tu vas être malade pour le temps nécessaire que tu as besoin d'être malade. Parce que souvent, une maladie, moi, je le vois très peu aujourd'hui comme des virus qui attaquent les cellules, mais plutôt juste comme une charge extrême d'énergie qui est mise sur le corps, un stress, puis le corps, il combat, puis ça prend forme, une certaine forme de symptomatique qui ressemble des virus qu'on peut dire. Mais quand c'est pas nommé, là, quand tu vas pas faire des tests puis tout ça, tu regardes ça, là, c'est juste le corps qui passe à travers une épreuve. Puis tu t'en sors un petit peu plus solide qu'avant. Un petit peu plus solide qu'avant. Puis là, tu es un petit peu plus résistant Ben, qu'avant, un si petit la peu plus personne fort. alors à s'en sortir, parce qu'après tout, il y a des gens qui vont décéder de maladies ou de la grippe saisonnière, là. Ben oui, mais c'est probablement le temps. C'est ça, je pense. Ça, c'est. Ça, je vois beaucoup de réticence par rapport à ça. Ouais, mais là, on aurait pu la sauver. On aurait pu sauver cette personne-là si elle n'avait pas pogné la grippe, si elle avait eu un vaccin. Si, si, si, si, si, si, si. Il est là le problème. Quelqu'un meurt. Il fallait qu'il meure. Il est là, il est mort. Ouais, c'est Peux-tu faire quelque ça. chose? Mais dans l'ego, c'est le désir d'avoir le contrôle sur la vie. Puis l'ego ne l'a pas. Fait que là, il est frustré. Puis là, il peut se sentir coupable en disant, ah, ben, j'ai pas tout fait ce qu'il fallait faire pour le sauver. Puis, tu sais, c'est notre faute. Il est morte ou etc. Tu sais. Et il veut le contrôle sur la vie, puis en voulant le contrôle sur la vie, il s'éloigne de la vie. Exact. S'éloigne parce que la vie, c'est pas sous le contrôle de personne. C'est un mouvement, puis c'est soit t'apprends à travailler avec le mouvement de la vie, puis à t'accorder avec ses lois puis ses principes, ou soit tu t'accordes pas parce que t'en es pas conscient, puis tu payes la souffrance de tes pensées par rapport aux événements. Parce qu'on souffre jamais vraiment des événements, on souffre de nos valeurs par rapport aux événements. Exactement, c'est Si la on même souhaite, chose par rapport à la pensée en passant. ben oui, tout le temps. S'il y a Ouais. une valeur qui est mise dans une forme pensée, on va soit en faire du fanatisme ou on va en faire une dépression ou une crise d'anxiété, seulement basée sur la valeur qu'on a donnée à cette pensée-là. Exactement. Fait que c'est toujours le rapport à quelque chose. Tu sais, la pensée ou l'événement, c'est pas un problème en soi, c'est la façon que l'ego va réagir ou non par rapport à ça, qui peut être problématique s'il est en résistance par rapport à c'est quoi qu'il y a à être, tu sais. Ben, c'est comme la capacité de voir l'infiniment petit des dynamiques qui agissent derrière les événements. C'est sûr que si on regarde seulement les choses au premier plan, ma grand-mère vient de mourir, je suis triste, ben ça, c'est une pensée qui va être souffrante. Ça va nous créer de la souffrance, parce que là, on va avoir l'impression qu'on a perdu quelque chose. Mais si on avait une compréhension de ce qui se passe, de c'est quoi la mort, de la capacité de communiquer avec les morts, puis de voir comment ça fonctionne, l'échange entre la personne qui est vivante dans un corps matériel, puis un passage à un autre niveau de vie, ou un autre niveau de conscience. On n'aurait pas la même réaction par rapport à la mort. Puis on traiterait pas la mort comme quelque chose de macabre, mais plutôt comme une célébration, une sortie, la fin d'un D'un cycle, épisode. exactement. Ben T'sais, oui. ça peut être vu comme la fin d'un passage sur Terre. Puis la personne, un peu comme quelqu'un qui gradue puis qui obtient son diplôme, mais il passe à une autre étape de son évolution. C'est ça, tu sais, moi, si j'avais le choix de mourir dans un hôpital avec des gens, avec des ventilateurs autour de moi, des maladies qu'on a en ce moment, versus mourir tranquille chez nous, je vais prendre mourir tranquille chez nous n'importe quand. Hein. Parce que, tu sais, ça revient tout le temps dans quel état que t'es, là. Dans un hôpital, c'est la détresse, c'est le stress, puis tu meurs dans des environnements comme ça, tout seul, isolé, c'est terrible. Mais d'amener les gens à vivre la mort de façon plus harmonieuse, plus fluide. Même aujourd'hui, il y a tellement de technologies, tellement de médecine, de dope, là, qu'ils peuvent utiliser pour des thérapies comme la kétamine, la MDMA, même les champignons magiques sont utilisés dans certaines recherches pour tout ce qui est dépression, anxiété, addiction, même faciliter le passage à la mort chez des gens qui étaient en soins palliatifs. Fait que, tu sais, il y aurait des possibilités de rendre la fin de vie quelque chose d'agréable au lieu d'être quelque chose de lourd, puis de négatif, puis d'alourdir les personnes qui vivent un deuil, mais aussi alourdir, tu sais, parce que la personne va se sentir coupable, elle meurt, puis elle regarde tout le monde qui est en train de pleurer. Tu sais, c'est pas des expériences qui sont agréables. Fait que je comprends un peu quand on voit du nombre de morts, on pense juste à des histoires d'horreur, au lieu de faire, ah, bon, il y a un processus, tu sais, qui se passe sur Terre. Il y a un changement qui se passe, il y a des gens qui décèdent, des gens qui naissent, il y a un renouveau, tu sais, Ouais, ça c'est fait partie ça. du Mais processus. si on la regarde d'un point de vue purement biologique ou darwinien, on va dire c'est la sélection naturelle qui s'opère. C'est-à-dire que la nature va mettre en place des virus ou des systèmes qui vont faire en sorte que les plus faibles d'une espèce ou ceux qui ont plus de failles vont périr. Mais la nature de l'évolution, c'est la complexité. L'augmentation de la complexité des processus. Fait que nécessairement, plus la complexité des résolutions mathématiques, plus la difficulté est grande, plus ça requiert un niveau élite de résolution de problèmes. Fait que, tu sais, le monde animal, puis le monde végétal, puis le monde, les personnes humaines sont toutes Hominal, assujetties. ouais. Le monde nominal, ouais, c'est ça, c'est le Hominal, mot. hominal, ouais. Ben, on est tous assujettis à des conditions de vie de plus en plus complexes Ouais. qui nous fait face à des résolutions de problèmes qui nécessitent de plus en plus d'intelligence puis de discernement. Puis il y a des gens qui en ont moins, qui payent le prix, ils ont des vies un petit peu plus difficiles. Mais quand tu regardes les choses, tout est égal. T'sais. La Terre, il semble avoir beaucoup d'inégalités morales, mais le courant de vie, il est équilibré. T'sais. Mais c'est dur de voir ça si on a encore des idées préconçues, des frustrations, un phénomène de l'injustice, puis tout ça, ben on voit avec le monde avec une perspective qui est biaisée selon nos croyances à nous. Puis souvent, c'est un monde, c'est une perspective qui nous fait souffrir, au lieu d'être une perspective qui nous libère. Exactement, parce que c'est sûr que le coronavirus, on peut le regarder de différentes façons. La façon que c'est dépeint dans les médias, c'est une menace, puis là, il faut réagir, puis tu sais, tu te promènes sur la rue, tu vois quelqu'un qui tousse, ben là, ça peut être un ennemi potentiel, ou tu sais, il y a un rapport à l'autre, où ce que tu peux voir qu'à travers ce qui est véhiculé dans les médias, c'est la suspicion, c'est la peur de l'autre. Qui est engendré par au cas où que la personne est atteinte, au cas où qu'elle me contamine. Fait qu'il y a ce volet-là qui est très amplifié. Alors que si la personne recorde son rapport à l'autre ou à la vie ou à l'environnement puis à la conscience, ben elle réalise ce qui arrive, c'est qu'il doit arriver compte tenu des programmations puis de l'évolution humaine ou planétaire, là. Ouais, puis au moins ça amène les gens à développer une certaine vigilance. T'sais. Je préfère avoir des gens qui marchent dans la rue puis qui sont vigilants que des personnes qui se promènent avec les cellulaires puis qui sont à moitié endormies. Hein. T'sais, quand Ouais, je suis vu de parti de la même. ville, moi, j'étais dans les métros là, pour me rendre à l'aéroport, puis je regardais ça. Puis t'avais 80% du métro qui était tout sur leur téléphone, là, complètement hypnotisé. Fait que des événements comme ça amène les gens à sortir des écrans puis commencer à regarder autour d'eux autres, voir qu'est-ce qui se passe. Déjà une bonne étape. Tu sais, même si tu regardes autour de toi puis t'as peur, au moins tu regardes autour de C'est toi. ça, la personne est présente à son environnement physique immédiat. Puis si elle va être attentive si quelqu'un tousse ou se rapproche trop d'elle et ne respecte pas la distance sociale. Donc, il y a une vigilance à ce qui se passe dans le ici et maintenant plutôt qu'être en projection mentale dans un temps différé avec la technologie puis être dans une pensée virtuelle. Ouais, puis moi, c'est ça que j'aime beaucoup de ce qui se passe en ce moment, c'est l'arrêt de l'ambition. Il y a comme un mouvement d'arrêt au niveau de l'ambition humaine. Tu sais, c'est comme on fonctionne pas maintenant pour atteindre des nouveaux sommets de succès ou des likes sur des médias sociaux ou de la popularité ou le monde d'Hollywood, puis tout ça, c'est comme tout ça, c'est tout stallé. Fait que la personne est amenée à beaucoup plus au niveau de son ressenti, à regarder, puis à observer. Puis à regarder son environnement, puis se regarder elle-même, puis commencer à se demander qu'est-ce qu'elle a de besoin, elle, pour être bien, là, maintenant, dans des situations de crise, au lieu d'être orientée vers exposer toutes sortes de choses sur les médias sociaux pour démontrer un certain succès, puis de jouer l'espèce de game de faut tout être un super-héros, là. C'est comme si tout le monde était à la course d'être un super-héros, être super bon dans quelque chose, être le meilleur de ci, le meilleur de ça. Faire le plus d'argent, avoir la plus grosse compagnie. C'est ça, c'est mis sur pause. Puis j'ai hâte de voir les résultats de ça, si ça va durer dans le temps, parce que tu sais, souvent, même au niveau individuel, on connaît des gens, sûrement toi t'en connais aussi, là, qui vivent des tocs, qui souffrent, puis ils reviennent dans les mêmes patterns qu'ils étaient tout de suite après. Fait que Non, j'ai hâte de voir si ça va ouais. prendre ce chemin-là, ou si il va vraiment avoir un changement, mais d'après moi, ça va être beaucoup plus du cas par cas, puis ça va être individuel, mais pas au niveau collectif encore. C'est pas assez des événements durs pour dire que les gens vont changer de façon majeure. Ben, quoi qu'il peut y avoir une certaine parcelle parmi les gens qui ont vécu la période de quarantaine, qui vont connaître une transformation intérieure en s'intériorisant dans l'intérieur de leur foyer à un niveau plus élevé. Il y en a peut-être qui ça va amener un changement à ce niveau-là, mais à mon avis, ça va être une partie infime, là, probablement à moins d'un pour cent des gens, là. Par contre, si c'est déjà ça de pris, c'est quand même bien, là. Ouais, 1%, c'est mieux que zéro. Exactement, exactement, mais c'est ça, il y aura peut-être des gens qui ont vécu une transformation intérieure en lien avec ça. Ils vont s'être découverts sur le plan de leur individualité, être à l'écoute de leurs ressentis parce qu'ils n'ont pas tant de choses à faire en se ramassant tout seul chez soi. C'est sûr qu'après avoir écouté des vidéos sur Internet ou jouer à des jeux vidéo, à un moment donné, tu fais le tour rapidement, là. C'est sûr, tu peux faire du ménage pendant une couple de jours, mais à un moment donné, il y a l'intériorité qui va rattraper les gens, surtout les gens qui sont seuls, plutôt qu'en famille, chez soi. Fait que, il y a... Ouais. Ouais. Non, c'est vrai, mais ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oppression pour en rentrer à l'intérieur de soi-même quand c'est pas naturel pour soi de faire ça. Fait que, inquiète-toi pas que j'ai l'impression que les gens, ils ont ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben des choses qu'ils vont faire avant de s'asseoir tout seul avec eux-mêmes dans le silence. Faire, qui suis-je? Qu'ai-je de besoin? Tu sais, je penserais pas qu'on se rende là, là. Je pense qu'il y a beaucoup plus un mouvement là, de on fait le plus de choses possible, puis là, on fait du ménage, puis on se trouve des tâches, puis on s'occupe de ci, puis on s'occupe de ça. Rester actif, là, tu sais. Faudrait surtout pas se reposer, hein, d'un coup qu'on ne se relèverait plus du divan. Parce que c'est un peu ça que je vois, on dirait, comme crainte. Les gens, ils veulent se garder actifs, continuer de bouger, puis parce qu'ils veulent pas être paresseux, ils veulent pas devenir paresseux, mais. Il y a un élan de fatigue dans l'humain. Moi, j'ai remarqué une certaine paresse, une certaine fatigue dans beaucoup de gens dans mon environnement. Puis, s'ils n'en profitent pas pour se reposer, puis ils font pas confiance que oui, ils peuvent se reposer puis rien faire pendant une période de temps puis revenir, ça va être un lourd processus. Ouais, ben ça me fait penser encore à la fameuse culpabilité judéo-chrétienne où lorsque les gens sont pas occupés à travailler ou faire quelque chose d'utile ou de productif, ben là ils se sentent coupables, tu sais. Ah, ça, c'est incroyable. Hein? Vraiment incroyable. Ouais. Même juste demander de se reposer, demander de prendre une pause, tu sais, c'est. Ah oh non, je peux pas faire ça, je vais laisser tomber les gens autour de moi. Hein. je continue. Ah ouais, la je personne qui se croit indispensable, puis en tant qu'ego, elle se surévalue là-dedans, puis elle se donne une identité parce qu'elle dit « Ah ben moi, je suis indispensable. Si je suis pas là, l'entreprise fonctionne pas, tu sais. » Ah ouais, carrément. T'sais. Fait qu'il y a des gens Fonctionner qui... avant que tu sois là, puis elle fonctionne encore pendant que tu n'es pas là. C'est la même chose pour la planète Terre par rapport à l'humanité. Donc, c'est Ben sûr que oui. l'être humain se croit indispensable, puis il peut avoir tendance à se surévaluer en tant qu'ego par orgueil. Et ça, c'est un des pièges qui, en quelque sorte, le bloque ou le retarde dans son évolution. Mais tout ça pour dire que ça va en venir éventuellement. Ça va amener plus d'équilibre dans les individus, mais ça va en prendre plus que ça pour réveiller vraiment la conscience individuelle de chacun, parce que c'est pas des chocs qui sont suffisamment grands pour vraiment. Bien, c'est sûr que dans le fond, avec les années, s'il y a plusieurs chocs qui se font d'une manière simultanée, exemple, à cause des changements climatiques, le niveau de l'eau augmente, il y a des inondations, en même temps, tu as une pandémie à gérer, puis en même temps, ben, tu as des problèmes d'approvisionnement parce que le transport est paralysé. Si tu mets tout ça ensemble, ben, là, ça va créer des zones de tension qui vont faire en sorte que l'ego va être obligé de se redéfinir encore plus qu'autrefois, là. Ouais, mais on est beaucoup. Faut pas trop se référer à l'histoire, puis de la façon qu'on est traité dans l'histoire par rapport aux événements, puis de ramener ça dans le présent, parce que on se rabaisse à des vieux modes de fonctionnement. On a beaucoup plus de ressources puis de richesses qu'on le pense, puis on se fait à croire qu'on est pauvre, puis le gouvernement nous fait à croire qu'il n'y a pas d'argent, puis tout le monde nous fait à croire qu'il n'y a pas d'argent nulle part à donner à personne. Quand c'est toutes les mêmes personnes qui ont cet argent-là. Mais quand il arrive des grands chocs au niveau de la planète, ben il faut que cet argent-là soit remis en circulation pour refaire partir le mouvement. Parce que c'est comme tu t'étouffes la population, puis tu y coupes l'air, ben tu n'auras plus rien avec quoi faire de l'argent avec. Il n'y a pas d'économie s'il n'y a pas de personne qui travaille. C'est ça, c'est un Fait, cercle vicieux, c'est ça, exact. Oui, il faut embarquer dans de la proactivité là, pour les prochains mois. Puis s'en remettre sur le droit chemin, parce que là, sinon, on va rester en quarantaine indéfiniment au fur et à mesure que le nombre de cas va monter, puis l'économie va s'écrouler en morceaux, là. Fait que, tu sais, faut se construire, faut travailler. Bon, OK, on se construit une immunité, on se construit une force, on a des idées, on crée quelque chose, on change, on transforme nos conditions de vie pour le meilleur, puis on commence à développer de l'autonomie, tu sais. On est très dépendant du gouvernement puis d'attendre après eux autres pour prendre des décisions. Mais on a très, très peu d'autonomie. C'est incroyable comment qu'on est obéissant. Ben, en même temps, c'est pas mauvais dans le sens qu'au Québec, il n'y a pas d'émeutes dans la rue à cause de la pandémie. Je veux dire, il n'y a pas de débordement dans la criminalité ou de phénomènes sociaux extrêmes de pillage. T'sais. Non, puis je pense pas qu'on va être amené à voir des phénomènes comme ça, parce que de plus en plus, les humains sont fatigués, sont écœurés de tout ça. Les gens sont écœurés de la guerre, sont écœurés de la survie, sont écœurés de la criminalité. Il y a bien plus de monde qu'on le pense qui sont écœurés de ça qui sont pour ça. Puis la seule affaire qui nous influence encore dans ces départements-là, c'est Hollywood. Avec les films là, de pandémie, puis de stress, puis de crime, puis de ci, puis de ça. Puis c'est ça qui alimente notre mental par rapport à ça, puis qui nous fait continuer de penser dans des paramètres de ce répertoire-là. Mm-hmm. Seulement parce que on n'a pas encore regardé le peuple, puis comment qui est le peuple. Moi, je vois des gens autour de moi qui sont épuisés, qui n'ont pas d'énergie, qui sont stressés, qui en ont trop à gérer. Tu penses-tu que ces gens-là, ils ont le goût de commencer à se garrocher à gauche puis à droite pour de la criminalité, puis de piller des maisons, puis tout. Le monde, ils vont solidariser bien avant de commencer à aller voler chez le voisin. Là. En tout cas, surtout dans la région où est-ce que nous, on vit. Là. Je dis peut-être pas dans certains États aux États-Unis, ça va peut-être être rock'n'roll. Là. Mm-hmm. Mais le Québec est pas... moi, je pense pas que jamais qu'on va voir ça au Québec. De la violence, puis de la grosse criminalité dans les rues. Ça serait un échec total de la société, ça. Non, je suis de ton avis à ce sujet-là. Le peuple québécois, en général, est pacifique. On en a eu la preuve, d'ailleurs, avec le phénomène de la Révolution tranquille, où, dans les années 60, les Québécois ont délaissé la religion. puis il y a eu un changement de paradigme qui s'est fait, mais il n'y a pas eu de lynchage là, sur la place publique, ou il n'y a pas eu, comme dans la Révolution française, des têtes qui ont été coupées au sens littéral avec la guillotine. Donc, ce que je veux dire, c'est que même ici, à différence, par exemple, de Cuba, où il y a eu la révolution avec les armes, ben, la révolution s'est faite pour que le peuple québécois affirme davantage son identité, qu'il soit reconnu comme nation, mais ça s'est pas fait dans la violence, avec une milice armée, là. Non. Puis c'est un grand signe de conscience dans un peuple quand il ne fait pas affaire à la violence, quand il ne fait pas utilité à la violence dans des situations de crise. Puis là, on est rendu en 2020. Ouais. Puis je pense qu'on sous-estime les capacités de l'homme à être créatif puis à se respecter. Puis il y a bien moins de violence dans nos cœurs qu'on se le fait à croire. C'est pas parce que les médias puis les téléséries puis tout ce qu'on voit dans nos écrans est rempli de violence que nous, on est rempli de violence. C'est cette violence-là qui est faite pour nous créer des stress puis nous faire croire que la vie, c'est une menace. De dehors, c'est dangereux. C'est pas dangereux dehors. L'humain, il est pas dangereux. Il est pas méchant. Quelqu'un qui a moindrement de respect de sa personne et qui a l'air de traiter avec n'importe quel type d'individu, puis d'en venir à une certaine harmonie avec son prochain, Ouais, ben, quoi puis... que dans ce sens-là, je dirais c'est du cas par cas, parce qu'il y a des gens qui sont intraitables, dans le sens que les gens qui sont très enlisés ou possédés par l'astral, à part se réincarner, il n'y a pas grand-chose à faire avec certains types de personnes, là. Ouais, puis ces gens-là, ils se magnétisent les uns entre les autres. Moi, je suis pas exposé à des gens comme ça, tu sais. Une personne se conscientise, plus elle devient consciente de ses besoins, de son être, de sa sensibilité, de moins en moins elle va attirer dans son environnement, des relations toxiques comme ça, puis des événements Non, c'est dangereux. ça, elle ne sera pas intéressée à nourrir des relations toxiques. Par contre, ça ne fait pas en sorte que, elle va passer le reste de son existence comme quelqu'un qui circule sur un long fleuve tranquille, dans le sens qu'elle peut vivre pareil des oppositions. Oui, mais tu as les outils pour faire face aux autres. Quelqu'un qui développe de l'équilibre dans Oui. son être, une force intérieure, est capable de mettre des limites. Donc, s'il rencontre Certainement. des gens qui essayent de le manipuler, il va être capable de le voir, puis il va être capable d'agir là-dessus, puis de se faire respecter de façon équilibrée, sans avoir un recours à la violence. Exactement. Si la personne a la centricité puis est très définie dans son identité, elle ne se laissera pas marcher sur les pieds par les autres, mais elle ne cherchera pas non plus à marcher sur les leurs dans le sens des dominés, tu sais. On attire qu'est-ce qu'on est, hein. T'sais, si on a de la crainte, puis on a de la violence en nous, puis de la haine, on va accumuler des expériences qui vont confirmer ça en nous. Puis si on dégage pas ça, puis qu'on ne vibre pas à ça, ben on va avoir des relations qui sont enrichissantes, on va avoir de l'abondance, on va avoir des vies qui sont à la mesure de qu'est-ce qu'on est, puis qui vont être riches, qui vont nous faire avancer. La vie, c'est pas un amalgame de coïncidences, puis t'es malchanceux, t'as quelqu'un qui t'a volé... Ton char, tout peut être rattaché à une cause. On peut toujours faire, ah, à cause de ça. Ah, j'étais pas là, j'étais pas sharp, j'ai pas été attentif, j'étais dans un mauvais état, j'étais allé dans un mauvais quartier, j'ai pas pensé à mes portes. Tu sais, on est tout le temps dans un état de désordre quand on vit des événements difficiles. C'est toujours pour nous ramener à l'ordre. Ben, dans un sens, notre esprit, notre contrepartie cosmique peut utiliser les événements pour nous ajuster à un ordre supérieur, en nous confrontant à certaines failles ou en nous faisant voir certaines limites qu'on a, et amener à ce moment-là un rehaussement du taux vibratoire puis une évolution individuelle. Vu de même, là. Ben oui. Puis ça fait une redéfinition de tes limites, de tes besoins. Puis il vient avec ça éventuellement avec le temps la force de faire d'être intransigeable dans ses besoins puis dans ses limites-là. Dans le Puis sens c'est d'avoir une des volonté de les limites. faire respecter, là, ouais. Ouais, puis ça c'est une vibration. Ça n'a rien à voir avec imposer par l'effort ou rentrer en conflit avec des gens, mais plutôt juste que quand tu dégages une certaine vibration, les gens n'ont pas tendance à te manquer de respect parce que la nature de ta vibration, c'est pas de la domination, mais c'est plutôt de l'ouverture puis du respect envers l'autre. Fait que ça neutralise la violence dans les individus. Moi, j'ai voyagé dans plein de places, puis j'ai jamais eu de problème avec personne. J'ai jamais été exposé à de la criminalité, j'ai jamais eu peur pour ma vie. Parce que t'attires pas ça. Ouais, je On est des comprends. êtres magnétiques, Ben, bioélectriques, on ouais. sent électromagnétique, puis on vibre à quelque chose. Puis tout ce qu'on a dans notre environnement est au même diapason que notre taux vibratoire à nous autres. Ben, Fait que si on est ça... très, très bas Ouais. en niveau de conscience, on attire des événements pour élever notre niveau de conscience, pour nous faire sortir de ces environnements qui sont toxiques. Puis si on n'a pas eu la capacité de lire les événements, ben on va continuer à vivre des événements comme ça pendant une période de temps, jusqu'à ce que le seuil soit atteint. Puis il va se développer dans l'individu une force pour changer ses conditions de vie. Ouais, dans le sens, la personne vit le pattern, par exemple, d'une relation malsaine avec une autre personne, puis une autre, puis une autre, puis à un moment donné, elle sature, puis elle passe à autre chose. Exactement. Ça me fait penser au concept de synchronicité qui a été amené par Carl Gustav Jung, à savoir que les événements sont à la mesure des individus. Ou André Moreau, comme je disais tantôt, notre philosophe jovialiste ici au Québec, qui déclarait qu'il y arrive à un homme que ce qui lui ressemble. Mais ce que je regardais par rapport à... Parce que sa vision des choses est très différente de celle qui prévaut actuellement. Parce que, dans le fond, lui, dans sa façon de voir les choses, il dit, par exemple, tu peux pas tuer quelqu'un qui ne veut pas mourir fondamentalement. Donc, si la personne, admettons, en réalité, est pas bien dans sa peau, elle aime pas vivre, mais elle est pas capable de se l'avouer à elle-même, ben le virus peut être une occasion pour qu'elle meure, parce qu'en réalité, inconsciemment, elle n'est pas bien, puis elle veut quitter sa situation. Elle ne veut pas nécessairement mourir, mais elle veut plus être là, tu sais. Fait qu'il y a des choses Ben, comme ça. moi, ça fait longtemps que j'avais cette théorie-là que on a toute envie de revenir dans le ventre de notre mère. T'sais, c'est comme si, ah, oh, c'est donc dur la vie, oh mon Dieu, si je pouvais juste m'en aller puis m'endormir éternellement, confortablement quelque part, ce serait extraordinaire. Puis tu sais, quand on voit, genre, avant l'époque de ce qu'on vit présentement, la surconsommation de malbouffe puis tout ça, c'est comme une façon de s'anesthésier. Puis tu sais, quand on s'anesthésie, c'est quoi qu'on veut? On veut arrêter de sentir, on veut arrêter Exact. de sentir, on veut arrêter de vivre, on veut comme mourir. Il y a comme un mouvement c'est comme s'il y avait un désir de mourir qui était dans l'individu, qui l'amène tranquillement à son autodestruction, un peu comme t'expliques présentement. Ça fait du sens. Ouais, ben c'est sûr que Un être vivant, puis t'es vivant, puis t'es vibrant, tu veux pas mourir, donc tu veux te sentir en vie, tu veux faire des activités qui te font sentir vivant, un travail qui te fait sentir vivant, des relations, des échanges, des communications avec des gens qui sont riches. T'es Exactement. pas en train de magnétiser de la mort envers toi, mais quand t'es toujours en train de pas vouloir penser, pas vouloir résoudre un problème tout seul, c'est comme s'il y a une grande paresse dans l'homme qui l'amène à être léthargique par rapport aux événements, puis de vivre une détresse psychologique, puis après ça, attendre après quelqu'un pour que le problème se règle. C'est une façon de vivre ça qui est très, très difficile parce que il n'y a pas de pouvoir dans l'individu qui vit comme ça. Il est toujours assujetti à toutes les conditions autour de lui. Ben oui, parce qu'il se comporte comme une victime qui attend son sauveur. Carrément. Encore revient un peu à le retour du Christ. Ben Ouais, mais oui. quand Jésus va revenir, là, il va nous sauver, là. Ouais. Puis du sang là, Christ est dans la merde. Ben, c'est un peu ça, là, tu sais. Puis mettons que Jésus apparaîtrait, là, sur le centre-ville, là, de Québec, là, probablement que tu le verrais même pas. Puis même s'il dirait, il viendrait à côté de toi, puis il dirait, hey, je suis Jésus, je viens te sauver, là, c'est toi, t'es le prochain sur ma liste. Il va dire, voyons, t'es donc ben fou, toi, t'es qui, est-ce-tu? Éloigne-toi de moi tout de suite. Ouais, c'est ça. Il pourrait pas être reconnu aussi par certaines personnes ou le voir comme une menace parce que ça serait pas conforme aux croyances que la personne, par exemple, s'est fait inculquer dans la religion catholique. Ah ouais, exact. Fait que c'est sûr que c'est particulier, mais le rapport au virus, ce que je voulais en venir, c'est que si la personne voit le virus ou qu'est-ce qui est extérieur à elle tout le temps en le polarisant comme étant une menace, elle va être dans une attitude de fermeture à l'environnement. Puis au contraire, ben c'est sûr que si elle a une pensée magique, puis elle s'imagine avec des lunettes roses que tout ce qui vient de l'extérieur, c'est beau, puis c'est bon, ben c'est sûr que là, elle peut en souffrir. Mais entre le côté plus paranoïaque, méfiant à l'extrême, versus l'autre naïf, je pense que c'est de trouver le La juste. même faille. Comment? Les deux, c'est la même faille. Vas-y. C'est un manque de regard sur ce qui est, un manque d'écoute, une incapacité à aller trouver de l'intelligence dans les gens autour de nous, dans les événements, une grande méfiance, une incapacité d'accepter qu'il y aurait peut-être quelque chose qui est plus intelligent que nous autres. Puis une grande naïveté, c'est le même principe. On ne sait pas. Je sais pas, c'est quoi qui se passe. Je vais y aller. Ça va être correct. Les yeux sont pas ouverts. Il n'y a pas d'écoute de ce qui se passe. Fait qu'il y a de la souffrance. Dans les deux Quand on cas, entend, oui, vas-y. ouais, quand on entend, si on a une bonne écoute, je parle pas juste avec les oreilles, là, mais une écoute intérieure, on va être capable de sentir du danger. On va être capable de sentir qu'on s'en va vers quelque chose de problématique. Parce que le ressenti, on reçoit l'information avant de la réfléchir. Mais on n'a juste pas été entraîné à développer ce ressenti-là. Puis que la personne soit consciente ou non, il y a beaucoup de gens qui ont de l'intuition. Puis beaucoup de gens, leur intuition leur donne les bonnes réponses, mais ils n'ont pas été entraînés ou éduqués à apprendre à écouter ça puis travailler avec ça. Ça revient, mettons, quand tu disais les gens vont tomber malades. Ben, ils tombent malades. C'est sûr que quand tu tombes malade avec toutes sortes de concepts sur ce que tu as comme maladie, puis qu'est-ce que tu t'es fait dire, combien de temps tu allais vivre, et ci et ça, c'est bien plus difficile que de juste vivre un processus physiologiquement avec toi-même, puis de l'étudier au fur et à mesure qu'il arrive. Puis si c'est la mort, ben d'étudier la mort à travers le processus. Puis si tu te rétablis, tu étudies aussi le rétablissement. Mais tous les concepts qu'on rattache à nos problèmes de santé, puis les titres, puis les formes, c'est ce qui nous amène tranquillement, pas vite, à faire une histoire avec ça, puis de vivre l'événement de façon dramatique au lieu de le vivre de façon neutre. Exactement. Fait que c'est surtout le bagage mémoriel de l'individu, son conditionnement du passé qui peuvent faire, ça peut créer des interférences avec le processus naturel de la maladie. Non, ça crée tout le temps des interférences. Toute notre mémoire crée des interférences parce que ça distorsionne l'information dans le présent. Donc, on n'est pas capable de capter le courant de ce qui se passe. On capte une distorsion du courant de ce qui se passe. Puis ça nous achemine une information qui fait vibrer notre corps émotionnel, soit au bonheur ou au malheur. Puis on est toujours chevauché entre les deux. On se fait envoyer d'un bout à l'autre. Puis ça fait partie de la game pendant une certaine période de temps, jusqu'à ce qu'on est capable de comprendre ce processus-là, puis de s'en détacher au niveau mental, pour être capable de vivre les fluctuations qui se passent dans notre biologie, dans notre mental, mais d'avoir un certain détachement pour voir que ces processus-là sont normaux, puis qu'on est quand même dans une conscience qui est permanente malgré ces événements-là, puis qu'il y a une continuité, puis il n'y a pas de fracture dans les événements, il n'y a pas, là je vais bien, puis là tout d'un coup ça va pas bien, puis ma vie est finie, puis je régresse ou ci ou ça. Ça fonctionne pas de même. C'est toujours un mouvement vers l'avant. Puis si on a une conscience objective, on voit que c'est toujours un mouvement vers l'avant. Fait que ça nous donne une grande certitude, puis ça nous permet de pouvoir faire face à ce genre d'événement-là comme on vit en ce moment. Exactement. Puis c'est sûr que l'événement présent du coronavirus peut être une occasion, une opportunité pour les gens de s'éduquer à leur sensibilité en vivant une période d'intériorisation à l'intérieur de leur foyer. Donc, s'ils n'ont pas eu la chance par la société d'être éduqués à écouter leur sensibilité, puis ont juste été éduqués à développer l'intellect, mais là, ça peut être une opportunité de se développer plus à ce niveau-là. Totalement. Puis arrivera ce qui arrivera avec tout ça. Puis ceux qui vont avoir la capacité d'en profiter, tant mieux. Puis ceux qui n'en profiteront pas, ben, ça va être à leur apprentissage. Exactement. Comme le temps file, je vais te proposer, après un peu plus de 2 heures de conversation, de compléter l'enregistrement. Donc, en terminant, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, mais je te remercie d'avoir pris le temps de jaser avec moi, puis de faire un enregistrement comme ça qui va peut-être être utile à certaines personnes. Puis Ben, c'est ça. Merci pour votre écoute. Puis si vous appréciez ou vous appréciez pas, ben écrivez des commentaires, puis on va répondre aux questions ou aux incompréhensions ou peu importe. Bon, ben, c'est un plaisir partagé d'avoir eu cette discussion avec toi, Olivier. Et puis, c'est sûr qu'en terminant, je peux mentionner aux gens que tu fais de la consultation. Oui, je fais de la consultation privée. C'est sûr que présentement, mes opérations sont pas en mouvement à cause de ce qui se passe, mais tout ce qui est au niveau de la santé, de la performance physique, la régénération du corps, moi, ça fait des années que je travaille dans le domaine de l'entraînement, de la nutrition. Maintenant, je fais du massage, différentes techniques pour aider les personnes à éliminer les douleurs, puis à retrouver un certain équilibre physiologique, mental dans leur vie. Donc, ceux qui sont dans la région de Québec, ben c'est sûr que quand le confinement va être arrêté, ben ça va me faire plaisir de les rencontrer. Mais sinon, à distance aussi pour les gens qui écoutent de pays lointains. Exactement. Donc, encore une fois, merci pour le temps consacré à cet entretien. Et puis, ben, je te dis à bientôt. À bientôt. Bye. Bye.